Et je dois vous laisser car Thomas vient de prendre la place. Voilà, on est dans l'émission Jadoul de 20h, 22h, c'est parti. En direct et en exclusivité pour vous. De 20h à 22h, il revient chaque semaine. C'est... Bah, c'est Jadoul en fait. Jadoul. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 21 avril 2018. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes très très très contents de vous accueillir. Et le bed, il est là au moins? Oui, il est là. Allez, j'espère que vous êtes en forme. On va vous divertir tout ce samedi soir car on a prévu un tas de choses. Et pour ceci, je ne pouvais pas faire cette émission sans évidemment mon équipe, la Dream Team Hilar FM. Est-ce que madame, vous êtes d'accord avec moi? Regardez l'autre fou là, l'autre moi jeté. Ah oui, je pense qu'on parle de lui. Voici Kylian Wolfring avec nous. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Nadine Mouk, Nadine Babek. Je connais la vidéo en plus. Ah bah oui, elle est géniale. Ouais. C'est cette mamie qui insulte. Elle est exceptionnelle. Ceux qui travaillent là, ouais, dans son jardin. Et qu'elle est là près de ses ouvriers. Oui, c'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. Plantés. J'adore. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais tu t'imagines avoir une voisine pareille? Ah, ce serait ce serait énorme. C'est vrai que si je pouvais en vivre, bah, ce serait magnifique, ce serait énorme. Ouais. Tiens, c'est Terence. C'est Terence et il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui. Eh ben non. Est-ce que ça te propose? Oui, ça me propose. Est-ce que ça te dit que on l'appelle un petit coup pour essayer de voir s'il peut pas venir? Bah oui, on va voir qu'est-ce qu'il fait de son samedi. Effectivement. Allez, hop, c'est parti. On va essayer de l'appeler. Nous sommes en direct. Voilà, comme ça les choses sont faites. Je l'appelle pas via le standard. Hein. Je l'appelle via mon téléphone personnel. Vous l'avez entendu, j'ai branché mon téléphone comme un bourrin. Kylian, en tout cas, toi, tu peux me dire qu'il fait très beau aujourd'hui. Hein. Alors, il fait ensoleillé. J'espère que dimanche sera parfait. Parce que là, aujourd'hui, pour un samedi, c'est vraiment. Ouais, là, c'est pas mal. Très honnêtement, bah, disons c'est pas mal. Le week-end passé, c'était pareil, mais bon. Là, il fait vraiment lourd. Et je dis, vu que j'habite sous un toit, ouais, c'est vrai que c'est... C'est assez chaud. Voilà, et pour aérer ça, pour aérer le toit, quand il n'y a pas d'air... Ah, c'est... je pense qu'on a Terence en ligne. Bonjour Terence. Bonjour Thomas. Comment ça va? Mais ça va et toi? Ça va, on est en direct à la radio, comment ça va? Nous sommes le samedi 21 avril, j'espère que tu vas bien. Non. Merde, on est samedi? Bah oui, on est samedi. Bah, je pensais qu'on était dimanche. Ah, non, on est samedi. Donc j'espère que ça va, toi, et que t'es bien tranquille chez toi. Ah, je suis bien, là. Je regardais la série. On dirait Alice à Noël. Bon, il fait beau aussi de ton côté, dans ton village. Ah non, il fait super beau. Vous voulez que je vienne à la radio? Bah, ah, oui, bah ça serait peut-être cool. Ouais, c'est bientôt fini, là, ou pas? Bah, il est 20h, tu sais, on vient de commencer. Ah, ben je vais demander pour venir alors. Mais alors ce que tu fais, avant de demander de venir, tu restes avec nous en ligne et nous on va s'écouter un titre et on te reprend hors antenne, d'accord? Ça marche. D'accord, ne quitte pas, hein, d'accord? Oui. Ok, parfait. Oui, bah 2 secondes, oui. Allez, on le quitte de l'antenne, voilà. Et nous en tout cas, on va poursuivre notre soirée. Kylian me confirme qu'on a prévu de belles choses. Hein. On a prévu de belles choses, oui. Ça va être parfait comme chaque émission Jadoul. Effectivement. Oh, parfait, je pense pas que c'est le mot adapté. Mais si. On va se lancer un peu de fleurs. Hein. C'est le temps. Il y a le temps des fleurs. Là, ouais. Là, c'est tout un fleuriste qu'on s'est lancé. Après, le temps des cerises. Ah oui, le temps des cerises. Tu connais le sketch avec Coluche? Bah, bien sûr. Ah bah voilà. Coluche, la base d'Hilar FM. Coluche. Allez, Bambola, tu connais Kylian? Oui. C'est le titre qu'on s'écoute maintenant sur Hilar FM. J'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, nous, on va vous déménager. Allez, bah, c'est une bonne expression. Déménager? Non, restez avec nous dans le studio. Allez, c'est parti. On se retrouve juste après ça sur Hilar FM. Vous êtes sur Hilar FM, j'espère que vous passez un bon samedi soir. Nous sommes en direct et c'est votre émission Jadoul de 20h à 22h. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Réagissez en direct sur Facebook, Twitter et Instagram, sur la page de l'émission ou avec le hashtag Jadoul. Alors il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai mis en place pour mon bien et pour le bien également de Kylian et de toute l'équipe de la radio. Donc je te propose quand même de mettre ton casque. Il y a de le mettre correctement. Je vais t'expliquer. On a détecté en écoute de pige, donc en réunion débriefing après les émissions, oui, que il arrivait qu'on dise certains mots un petit peu trop vulgaires pour l'antenne. Bon, je n'oserais pas. Mais ce n'est pas un rappel du CSA ou de nous, ou de nos patrons ou quoi, parce que c'est moi le patron. Mais c'est juste moi qui ai décidé de alléger l'antenne de certaines insultes. Donc, je préviens, à chaque fois qu'il y aura une insulte sur cette antenne, vous allez entendre. Et on va devoir mettre 5€ dans la boîte, la fameuse boîte qui va être à sous. Voilà, une boîte à sous comme une tirelire. Et plus on mettra d'argent dedans, plus elle vaudra cher, ce qui va faire que vous pourrez gagner peut-être cette boîte en fin de saison. Donc à la dernière émission, on dira ce qu'on en fait, si on la donne à quelqu'un, à un auditeur ou quoi. On verra, mais pour l'instant, on va la remplir. Et sachez que je pense qu'avec 5€ par gros mot, il y aura moyen de bien la remplir. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on ne peut plus dire... Enfin, oui, non, je ne peux même pas les dire. Mais si, allez. Bon, là, ça ne compte pas. Hein. Donc... Pour dès maintenant, on ne peut plus dire trop de balles. On peut plus dire non plus connard. On peut plus dire tout ça. Donc voilà, c'est noté. En tout cas, et si nous on ne remarque même pas qu'on a dit ce gros mot, bah dites-le nous au numéro de téléphone de la radio. Au plus 32 49 9 15 75. Merci. Voilà, comme ça c'est fait. Alors Terence, on l'a eu au téléphone il y a quelques minutes et on lui a demandé s'il pouvait passer car il a complètement zappé qu'on était le mercredi soir. Le mercredi soir. Oh oui, carrément. On est le mercredi soir, oui, effectivement. Alors Terence, tu crois qu'on est le dimanche et toi tu crois qu'on est le mercredi. Pourquoi pas? On est bien, comme ça c'est cool. Non, je plaisante, je pensais qu'on était le... Non, c'est lui qui pensait en plus. Attends, en plus, le pire, c'est que Terence va encore venir. Enfin, s'il vient, il va encore venir un jour où on mange à l'antenne. Oui, parce qu'on a commandé de la bouffe. Comme ça, c'est dit. Oh, bouffe, c'était un peu vulgaire, je trouve. Non, c'est bon. Non, allez, ça va. Ça passe. Ça passe, ok. C'est mort, ils veulent pas me conduire, désolé. Ok, il a aucun moyen de venir. C'est pas grave, on appelle une deuxième personne. Tu sais me mettre dans le standard le numéro de téléphone de... Merci. Le numéro de téléphone de notre chroniqueur Corentin. Corentin, oui. Hop. Corentin. Je le trouve. Voilà, merci. Je le cherche d'abord. Hop, voilà. Tu me le bascules sur la ligne 1 dès que tu peux. Et voilà. Ok, merci. Tu es là. Je l'ai. Normalement, ça devrait sonner. Magnifique. Voilà. Oh, magnifique. Bizarre, la sonnerie. Oh, bravo, une sonnerie. Bravo, tu as gagné. Oh là là, la lourdeur. Vous êtes sur la messagerie vocale de... Corentin Stock. Je ne peux pas prendre votre appel pour le moment. Oh, il a mis... Veuillez laisser un message après le bip. Quand vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur le carré pour plus d'options. Non, on voulait t'appeler juste pour te dire que tu as le répondeur le plus célèbre de Belgique et de France. Maintenant, en tout cas, grâce maintenant. À Hilar FM. Donc, si vous aussi, vous voulez passer... voilà. Si vous voulez rendre votre répondeur célèbre, faites comme Corentin, ne répondez jamais. Non, je plaisante. Mais c'est par habitude. Hein. Voilà, Corentin est un peu occupé ces temps-ci, donc on l'embrasse et on a voulu savoir, prendre un peu de ses nouvelles. C'était bien gentil, mais voilà, il est occupé. Donc, voilà, je sais pas. À bientôt, Corentin, rappelle-nous si tu peux, avant 22h. Et voilà, tiens-nous au courant. Oh non, c'est Kylian, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, ou pas, enfin, ou à lundi, je sais pas. Salut Corentin. Voilà, donc on a laissé un petit message sur son répondeur. Donc l'équipe lundi, est vraiment en vadrouille. Si on est déjà mercredi, on est complètement paumé au niveau des jours. On est en jet lag, hein, comme on dit. Bah oui, voilà, c'est le week-end qui prend. Ouais, ah là là. Aïe, aïe, aïe, aïe. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, bah non, on n'est même pas rentré d'ailleurs. Et tu sais ce que m'a dit Laurent Ruquier? Non. Il t'a dit. Ah, ok. La cartouche est pas partie, c'est pas grave. On va y revenir juste après. Et Kylian a une petite anecdote à vous raconter. Ah bon? Oui. Comment est-ce que t'es venu habillé aujourd'hui? Ah oui, oui, bah oui. Tu me la remets demain, cette tenue-là, quand on ira au bureau, parce qu'il faut que tout le monde la voit. Ouais, ok. on va voir ça. Allez. Alors en fait, je suis venu habillé en. Bon, de base, c'est censé être. Un habit militaire, ah. C'est en noir et blanc. Ouais. Sauf qu'on dirait une vache. Et en sachant que tantôt j'ai dû aller en ville, Oui. Ben, j'ai prévenu les personnes que je viendrais habiller en vache. Que je visitais, j'ai cru que t'allais dire ça. Non, non. Et du coup, bah voilà, je suis habillé en mode vieille vache espagnole, et donc... Donc on prendra une photo certainement tantôt ou demain, on verra, c'est pas le temps. Mais j'aime beaucoup. Quoi que ce soir, ça va être un peu compliqué. T'es payé pour le porter ce t-shirt? Je suis payé pour le porter, oui, par Eco Animaux. Vous avez rien à dire, on s'en fout. Super. Les hommes aiment votre poitrine. Merci Laurent Ruquier. Ah, bah oui, ok. Il a dit ça sur le plateau des grosses têtes l'autre jour. Mais voilà, mais j'aime bien ton... Mais il a dit les hommes aiment, il voulait parler de lui, mais bon, on peut pas dire j'aime votre poitrine, donc il a dû dire les hommes. Ok, voilà, on a eu un petit point vestimentaire de Kylian. J'espère que tu nous réserveras encore des surprises prochainement. Mais Kylian et les vêtements, c'est quand même une grande histoire d'amour, hein. Oui. Les pantalons troués et tout. Là ça va, là j'ai mis un short, il est pas troué. D'ailleurs, en fait, tu sais que le short que j'ai là, ouais. On t'appelle. Ah, on m'appelle. Attention, alerte, on va basculer. Corentin tout de suite à l'antenne, est-ce possible? Oui, je pense. Attends, voilà, je pense que il est branché. Allô? Allô? À l'huile. Allô? Merde, comment est-ce que... Attends. Corentin Stock. Allô? Ah, ok. Je vais l'appeler parce que visiblement, le standard a bugué sûrement. Je le rappelle directement avec ma ligne 2, c'est ça, je pense. Ah, voilà, ça sonne. Allô? Allô? Ah, je t'entends, mais de très loin. Allô? Ah, c'est beaucoup mieux, ça va, Corentin? Sors des stocks. Ça va et toi? Ça va, on est en direct, on est le samedi, le 21 avril 2018, je pense qu'on est en 2018. Comment ça va? Ça va et toi? Voilà, ça va. Nous sommes en direct et on voulait prendre de tes nouvelles. Bah, ça va très bien. Et tu n'as pas écouté ton répondeur? Si. Ah, c'est pour ça que tu nous as rappelé? Tout à fait. Ah, ok, je me suis dit, il n'a pas entendu. Si tu ne l'aurais pas écouté, je t'aurais demandé de brûler ce message. tu es dans les environs, là? C'est-à-dire genre à quelques rues de la radio? Certainement. Ah, et il fait beau dehors? Tout à fait. Et figure-toi qu'on a une vache dans le studio radio. Hein? Merci, c'est gentil. Oui, on a une vache avec des taches noires. Là. Ouais, mais si tu viens, tu la verras. Oui, si tu viens, tu la verras, la vache. Je te signale que Kylian t'entend, moi. Bah oui, Kylian m'entend. Bah oui, je suis là. Il est dans le studio avec nous. Comme ça, c'est entre nous, ça. Oui, c'est entre nous qu'on parle comme ça, lui. Les méchants. Non, donc si t'as envie de voir la grosse vache qu'on a dans le studio, bah il faut venir. Qui? Bah c'est Kylian, notre vache. Écoute, je vais manger. Tu vas manger? Oui. Bon, t'en as pour combien de temps? 30 minutes. Oui, à peu près. À peu près. Bon, on peut t'espérer pour 20h45. Brouille-toi. Disons 21h. 21h, ok. C'est le défi, ok. J'ai bien, lui, il est toujours relax. On va dire 21h. Ramène bon. Les frites. Qu'est-ce qu'il dit, là-bas, derrière? Ramène les frites. Ok, quelle sauce? T'as jeune gueule dans le micro, là. Non, Une grande frite ou une petite frite? Une grande frite. Une grande frite. C'est le top place. D'accord. Quelle sauce? Fromage. Non, mais... Explique un petit peu mieux le principe de la sauce. Ah oui, non, mais il y a la sauce fromage sur les frites, mais avec mes fricandelles et mon ragoutzi, du ketchup. D'accord, ketchup avec une fricandelle, c'est noté. Et un ragoutzi, hein. Ragoutzi. Un ragoutzi, si tu préfères. C'est quoi ça? Tu sais, mais c'est les triangles, là. C'est des petits triangles avec de un médiator. Un médiator, voilà. Il a fumé. Quoi? Il a fumé. Bah, je te dis qu'il se peut qu'il ait fumé rien que pour avoir mis ce t-shirt. Explique-lui un peu ce que c'est une friterie, parce que... Non, écoute, on t'expliquera ça à 21h, alors on va te laisser manger. Attends, je note la commande. Oui, mais rapidement, hein. Oui, mais si on doit attendre 21h, ce sera froid. Et puis j'ai faim. Ce sauce ketchup. Oui, c'est pas possible. Une viandelle, une fricandelle. Non, une fricandelle et un ragouzi. Goudzi. Goudzi. Mais ragouzi. Deux heures plus tard. Ça va au niveau de l'écriture? Et un médiator. Oui, mais médiator, si possible, bien cuit. Bien cuit. Oui, à point. Bon, ce sera tout. Très bien. Avec Kurt Cobain. Une petite heure. Pardon? Votre commande sera là d'ici une petite heure. Nous vous demandons d'avoir les sous en liquide. Nous ne prenons pas la carte ni les virements. Merci, monsieur. Très bien. Allez, on vous remercie. Allez. Très bien. Allez, avec plaisir. On se retrouve à 21h devant la radio. J'ai de la dalle. Tout à fait. Allez, salut. Hein. Oui. Ok, bon, c'était complètement improbable, ça je dois vous le dire, on s'y attendait pas, au moins on a pu commander à manger en direct, je pense même pas qu'on en avait le besoin, étant donné qu'on a déjà commandé avant de prendre l'antenne. Effectivement, et c'est bien évidemment des frites. Voilà, et c'est en fait un fast-food très connu qu'on ne va, voilà, qu'on pas, va citer, pas citer, mais qui commence par... Non, bah, que si vous retournez la lettre principale, bah ça fait un W, bon. Voilà, c'est bien, et en gros c'est, ça termine par un K. Un K? Bah oui. Ça, un Mac, attends, MacDuick, c'est un MacDuick. D'accord, très bien. Pourquoi pas? Why not? Effectivement. Bien. Donc, c'était complètement problème. Un mais Corentin, un petit bed, un bed, ambiance. Un bed, mais j'en ai pas sous la main. Ouais, bed. Oula, ah bah voilà, peu, c'est bien ça. Bah, il est un peu violent. Oh, hein. Ouais. Non, arrête, c'est une horreur. Non, je peux pas mettre ça. D'ailleurs, je dois vous faire une annonce officielle. Ah bah, notez-le. Hein. Et très sérieusement, je pense que ça devrait vous plaire, car c'est une des dernières émissions ce soir. Ce soir... Non, je plaisante. Ce soir, en compagnie de Jadoul. Ce soir, c'est la dernière émission en direct sur Internet, car la semaine prochaine, messieurs, dames, nous passerons en FM. Non, c'est pas une blague. Bon, ça fait très flippant. Sur le 106.9. Point 42. 106.9, voilà, donc vous pourrez nous écouter. Ah, c'est vrai en plus. Oui, mais on n'était pas censé le dire maintenant en fait. Je l'ai pas dit. Bah, on est juste en direct, donc c'est dit. Mais voilà. C'est pas dit vu que c'était une blague. Mais non, trop tard. Tu l'as justifié. Bon, bref, voilà, c'est une des fréquences, mais comme vous ne savez pas encore dans quelle ville il y a des émetteurs, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes couvert par cette fréquence. Mais en tout cas, on va vous communiquer tout ça sur la page internet, sur les réseaux sociaux qu'on peut retrouver, par exemple, Kylian. Sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, et c'est la page IlRFM ou par téléphone au +32 49 9 15 75. Voilà, donc si vous voulez avoir toutes les infos, il faut nous suivre partout, tout le temps. Et comme ça, on vous communiquera tout ce qu'il ne faut pas louper en termes de diffusion FM. Car oui, c'est quand même un grand pas, c'est un nouveau cap dans l'émission. Très content, et ça va nous apporter évidemment plus de visibilité, plus de débats à l'antenne, étant donné que vous allez pouvoir nous appeler toujours au même numéro. Franchement, je vous le dis, il n'y a rien qui change. Hein. Nous, l'équipe reste la même. Kylian sera toujours sur son téléphone pendant l'antenne. Je vais lui confisquer. Enfin, bah, voilà. Tu parles du chasse-quoi va... Je te gratte l'orteil gauche. Bah, non, mais je sais pas. Sois un peu plus professionnel. Mais lève pas trop les bras. Hein, parce que... Il est tellement professionnel qu'il arrive à poigner dans le micro. Voilà. Mais oui, mais il est un peu bas. Voilà, c'est pas grave. On le réglera après. Donc, j'espère que vous êtes contents. Vous pouvez nous dire toutes vos réactions. On se fera un plaisir de les lire. Et nous, on a fêté ça. Non, on va fêter ça, je pense, après la radio. Avec on va du aller, champagne. On va aller dans un bar. Enfin, on va faire quelque chose, mais c'est. Bah, tiens, on va aller s'incruster chez Corentin. Non, lui, on va se croiser puisqu'il vient à 21h. Ah bah oui, donc, ça ne le ferait pas. Ouais. Mais en tout cas, je suis ultra content et je pense que ça va être très chouette, non? Bah, j'espère bien pour toi. Bah, ouais. Nous, et les auditeurs. Oui, je t'écoute. Les auditeurs aiment Miller FM, donc d'office ça doit être chouette, ça peut que être chouette. Évidemment, mais je pense que ça devrait poser problème à personne. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Ah mais calmez-vous, j'ai rien dit moi. Votre peau, hein. Mais je l'adore elle. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Elle a dit nom de Dieu. Mais nom de Dieu. Oui, mais on dirait qu'elle a dit nom de Dieu. Bah, non, elle a pas de dentier. Elle a pas mis le hug, nom de Dieu. Non, elle a pas mis c'est de, comme chien, elle dit « Yeah, yeah, les quins !» Oh oui, bah voilà une anecdote à raconter. Ah, bah juste après. Mais nom de Dieu. Ouais, elle dit. Nom de Dieu. J'adore. C'est génial. Ok, donc là, raconte plus tard mon anecdote. Oui, juste après la musique, si tu le veux bien. Ok, bah c'est bien. Ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas. Ah, jamais content, toujours content, c'est ça? C'est cela, oui, c'est cela. Alain Souchon. Alain Souchon. Et tu sais que Alain Souchon, il a un collaborateur, enfin non, un ami chanteur, je crois que je l'avais déjà dit la semaine passée, ah, qui est Laurent Voulzy. Et Laurent Voulzy, ça me faisait toujours penser à Ragoudzi. D'accord, donc on en revient à Corentin, la commande et tout. Effectivement. Ok, donc si vous voulez envoyer des médicaments à Kylian, nous vous proposons Le 0429 27 08 24. Merci bien. C'est quoi ce numéro? C'est ton numéro de téléphone personnel? Oui. Que tu donnes à l'antenne? Bah oui. Mais bon, moi j'aurais peut-être des gens qui me parleront un jour. Ah. j'adore. Félicitations. Donc je répète, 0429. Le répète pas. 0824. C'est celui-là? Oui. Oh merde. Arrête de répéter ton numéro, tu vas t'attirer. Ou celui de ma mère, 0429. Il va tous les faire. Allez, si vous avez le feeling, bah tant mieux, parce que maintenant c'est Vinny avec Ain't Just a Feeling, un titre que vous avez découvert sur Hilar FM il y a quelques temps. On était les premiers à vous le diffuser et on vous le diffuse encore aujourd'hui en ce beau samedi 21 avril 2018. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. Voilà, on est mis en garde. Merci madame. J'espère que vous avez aimé le titre juste avant. C'était Ain't Just a Feeling. Je trouvais ça très frais pour l'été, moi. C'est vrai. Tu sais, moi, ce que je trouve frais, c'est quand t'es sur la plage et que t'écoutes. Les deux pieds écartés. Non, merci. Les Daft Punk, Get Lucky. C'est vrai? Ah, je trouve ça complètement ambiance de plage. Moi, je voudrais plus une ambiance tahitienne. Une ambiance tahitienne. Tahiti. Oui, ça dit, non? Oui, bah. Oui. Avec. Allez, la musique Over the Rainbow. Là. Ah, de Ease. Over the Rainbow. Mais de base, c'est Magic. Attends, c'est quoi déjà? Non, non, c'est d'abord lui qui a créé ça et ensuite c'est les Magic System qui ont repris ça. Mais non, pas Magic System. Ah, mais oui, ils ont fait une reprise. Magic. Non, le truc, c'est. C'était une émission de TV. Soit un film ou une émission de TV, je sais plus. C'était un truc de magie, mais je sais plus c'est quoi le nom maintenant. Ah, d'accord. Ben, pourquoi c'était pas le groupe qui s'appelait Magie. Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Nous, en tout cas, on a reçu notre nourriture dans le studio. On l'a reçu, oui. On a de quoi. Et Kylian ne peut pas manger à l'antenne, je le rappelle. Bah oui. Il a la bouche pleine. Non. Si. Vous l'entendez? Il a la bouche pleine pourtant. Il y a quelqu'un qui arrive avec du ketchup. Donc pour vous dire. Au moment où Thomas dit, il a la bouche pleine. Oui, bon, oui, on a compris. Merci. Merci pour le ketchup, c'est gentil. Voilà, donc. Pour les mimes. On va faire les news de la semaine, Kylian. Oui. Et les news de la semaine, c'est un reportage qu'on a vu en direct sur une chaîne de télévision qui nous a parlé du monde aquatique. Est-ce qu'on peut y passer, Kylian? Oui, on peut y passer. Sur le temps qu'il est en train de se verser son ketchup, c'est parti. Les news de la semaine. J'essaie de pas viser tout à côté. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans ces news, Kylian va nous parler donc d'un reportage qu'on a eu. Et quoi que je vais faire mieux, c'est que je vais vous diffuser l'extrait, comme ça vous allez pouvoir entendre ce que nous on a entendu. Et je trouvais ça juste hilarant que... comment dire? Mais en tout cas, si vous êtes un poisson et que vous voulez changer de sexe, faites-vous plaisir. Merci d'avoir grillé le truc, Kylian. Ah merde. Oui, bah voilà. En fait, je tease le truc et lui, il me pète tour de zone. Voilà, si vous voulez changer de sexe, écoutez. Non, voilà. Donc, le monde des transsexuels s'ouvre également aux poissons. Car il y a effectivement ce poisson qui peut changer de sexe. Écoutez. En seulement quelques mois, certains enzymes cessent de fonctionner dans son organisme. Des hormones mâles commencent à circuler. Donc un cas un petit peu particulier. Donc est-ce que toi tu te vois par exemple donc à tes 10 ans changer de sexe et disons moi personnellement non parce que je suis humain, mais si on est un poisson et que pardon et que ça se fait comme ça, bah on ah a oui, pas le choix, là, t'as pas le choix, oui. Mais je veux dire non, si je peux rester si je suis ton médecin, voilà, je suis docteur Jadoul, oui. Et je t'annonce que tu vas. Il a une frite en main, je fais, tu poses ça. Et que je t'annonce, voilà, écoute, dans 10 ans, tu changes de sexe. Ah non, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Bah, je change de médecin, moi je veux pas. Mais l'autre médecin, il te dit pareil, qu'est-ce que tu fais? Bah, je ne veux pas changer de sexe, mais tranquille. J'adore. Allez, si tu veux, on va faire un petit. Quand tu donnes un coup de boule dans le micro. Dans le pied. Dans le pied, c'est pas grave. On va faire un objet du peuple. Un petit peu particulier, car si Kylian qui l'a et moi pour une fois, je ne sais pas du tout qu'est-ce cet objet du peuple. Attention, c'est parti. Jingle, messieurs, dames. L'objet du peuple. Kylian, qui est en train de manger encore une fois. Mais ça va être froid. Je m'en fous, on est à l'antenne. Je m'en fous, effectivement, c'est un petit peu vulgaire, donc petite alerte. Je vais mettre 5€, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour le bien de cette émission, car il y en a un petit peu marre que ce soit le grand zoo ici. C'est allez, pas le zoo. 5€ dans la tirelire RFM. Voilà, c'est parti. Peux-tu nous donner le premier indice de cet objet du peuple, Kylian, s'il te plaît? Je suis... encadré. Ah, premier indice, je suis encadré. Bien, si vous l'avez, vous nous envoyez un petit SMS avec Jadoul au +32 49 95 75. On tirera les bonnes réponses, dans les bonnes réponses, le gagnant. Donc à vous de nous le dire. Donc premier indice, notez-le bien, je suis encadré. J'espère que ça va vous inspirer. Car moi, honnêtement, je l'ai pas là. Je suis encadré. Un jeune délinquant. Eh ben c'est ça. Non, on va voir ça dans quelques instants. Prochain indice sur le coup de 20h45, on va dire ça. Voilà. Il est 33, donc on est plutôt pas mal. Bien, en tout cas, vous, si vous avez quelque chose à nous dire, vous n'hésitez pas. Donc je vous invite à nous les communiquer. Bien, ce que je vous invite maintenant à faire, c'est écouter le titre qu'on vous a sélectionné, rien que pour vous, dans la programmation Hilar FM. Il s'agit de le nouveau tube Hilar FM qui est sorti en septembre 2017. C'est un été français, je sais pas si tu connais, Kylian. Attends. Ah bah si, bah Indochine. Et Indochine, évidemment. Allez, c'est parti, on s'écoute ça sur Hilar FM. Belle soirée à vous, vous êtes dans Jadoul, on ne vous lâchera pas, en tout cas du moins jusqu'à 22h. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. On a bien mangé car sur le temps d'Indochine, on s'est empiffré, je vous le dis très clairement. Goinfré même. Goinfré, voilà, c'était une véritable porcherie. Et heureusement que j'ai... En fait, la radio, c'est au moins... Je dois vous dire, j'aime bien être habillé bien, mais j'avoue que le samedi, parfois, quand je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs, je m'habille un peu plus relax. Et là, j'ai mis un t-shirt en mode, c'est pas filmé la radio, donc... Et en sachant que Thomas, donc là, il mange comme un porc... Bah moi je broutais les frites comme une vache, voilà. En rapport avec son t-shirt qu'on a dit en début d'émission. Bien, je vous propose que maintenant on passe à la petite anecdote de Kylian. Il devait nous parler de son chien ou je sais pas trop quoi là. Ah oui, c'est vrai, attends, j'avais une anecdote. Il y a des mots comme ça compliqués, j'arrive pas à dire, c'est grave ça. Attends, c'était quoi déjà? Ah, tu sais plus? J'en ai tellement des anecdotes que... Oh. Nadine Mouk, Nadine Babek. Allez, souviens-toi. Mais c'est plus du non, tout. Non, je l'ai plus en tête là. Attends. Le mec il me dit j'ai une anecdote, elle est géniale. Ah bon, on fait ça après la musique. Ok, pas de soucis. Bah oui, mais entre temps j'ai mangé, j'ai pensé qu'à la nourriture, ça m'a fait tout oublier. Le mec a tout oublié comme ça facilement. J'essaie de la retrouver. Tiens, d'ailleurs... On est en mode été, là je dois vous le dire. On est bien installé. Et ce que je dois vous dire, c'est que là c'est la dernière ligne droite. On va foncer, on va tracer. Donc je peux vous annoncer également que la semaine prochaine, c'est le retour d'une de nos plus célèbres séquences qu'on a arrêtées en décembre. C'est la séquence Canular qui va revenir pour notre passage en FM. Et on vous a préparé quelque chose avec Ilan. Enfin, on est toujours sur la préparation. Mais ça va être très marrant. En tout cas, on va appeler même jusqu'au Canada. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va être hilarant. En tout cas, il y aura de quoi de... On va s'amuser en tout cas. Kylian, je pense que tu es témoin. Je suis témoin. Ça va être exceptionnel. Oui, bah surtout que oui, on prépare bien ça, donc voilà. On va vous sortir du loup. C'est ça. D'ailleurs, dans moins de 4 minutes. C'est le deuxième indice de l'objet du peuple. Donc attention, préparez-vous et notez-le chez vous, car c'est un peu comme la valise RTL, ça ne passe qu'une seule fois dans votre vie. Bien, c'est beaucoup RTL aujourd'hui, j'ai l'impression. Déjà les grosses têtes de tout à l'heure, bon, à croire qu'on leur fait de la pub là. Tu sais imiter Laurent Ruquier? Attends, comment il parle déjà? C'est Ouais. Rien à voir. Les hommes aiment votre poitrine. Mais c'est marrant. Les hommes aiment votre poitrine. N'est-ce pas, Jean-Marie Le Pen? Ouais. Jeanne, au secours! Avec non, l'accent belge. il me fait rire, mais tout le temps il parle, même quand on le croise dans la rue. Ah, je suis très content que vous me rencontriez. C'est une horreur. Mais je sais pas comment ils peuvent rester tout le temps dans leur personnage, car c'est un personnage, ils peuvent pas parler comme ça au quotidien, c'est pas possible. Ah, si. Enfin, oui, j'aimerais bien une frite. Et alors, casse pas les nouilles. Hein. Ok, donc ouais, effectivement. Si vous savez imiter Laurent Ruquier, faites-nous signe, hein, car moi j'y arrive pas du tout. C'est une horreur, j'y arrive pas. Laurent Ruquier, c'est une horreur, bah c'est toi qui le dis. Hein. Non mais moi au niveau de l'imitation, quoi. La politesse, c'était de demander vous avez le temps ou vous êtes pressé. Vous avez le temps ou vous êtes pressé. On en a plein comme ça. On va passer toute la soirée avec ça. Oh non, on s'amuse, franchement, on est bien là. On va passer une belle soirée ensemble. Et voici le jeu des 5 mots que Kylian a préparé il y a quelques minutes. Donc pourquoi tu me fais les grands yeux? Pour rien. Ah d'accord, ok, allez c'est parti, jingle, c'est le jeu des 5 mots en direct, vous êtes dans Jadoul. Non, ça c'est la question de la semaine les amis, vous êtes pas du tout au courant de ce qu'on fait dans cette émission. Ça me fait plaisir de voir qu'on est bien ici dans l'émission Jadoul le 20h-22h, qui sera toujours là pour vous fournir les plus beaux problèmes humains possibles au monde. Qui en trouvera le plus? On y va, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti, le chrono démarre. Alors, il s'agit d'un truc, ça se mange. Ça se mange. Cette couleur jaune. Frite. Eh bien. Ah. C'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe et qui n'est pour le ou j'y redu. Corentin. Mais. Terence. Oui. Bah c'est bon, alors suivant. On y sera bientôt diffusé. En FM. Bien. Les autres, j'ai encore les trouvés. Attends, c'est une vanne ou ton jeu n'était pas prêt? Mais il était pas vrai, hein. Mais t'as gagné, du coup. On peut dire ça. C'était complètement bidon, alors. Ah ouais, d'accord. En fait, Bah, j'en ai mis 3. Attends, on mange, puis tu me dis, bon, ton truc est prêt, en même temps, tu dois trouver ton... Mais juste avant qu'on mange, t'étais en train de le préparer, et je pensais que c'était prêt, je suis désolé. J'étais en train de le préparer, puis tu m'as fait, bon, on mange. Je suis désolé, on reviendra dessus dans quelques instants, il n'y a pas de souci. Pour les deux derniers. T'as toujours pas retrouvé ton anecdote? Bah non. Ok, c'est pas grave. On est bon là, on est raccord. Mais il faut que je me rappelle si c'est entre le trajet de ici au jusqu'au studio. Ah moi j'ai aucune idée. Si c'est de chez moi jusque chez toi, si c'est de la galère. Attends. En fait, on est au courant de rien ici et ça me semble assez compliqué. Tiens, on a Jean-Michel qui est à la plage et on va lui dire un petit coucou. Tiens, je propose qu'on le rejoigne en direct. Ça va peut-être être compliqué là sur le coup. Je pense qu'on a une liaison avec lui. Il y a peut-être moyen. On y va. C'est parti pour la liaison. Ah, tiens, Jean-Michel. Jean-Michel. Hello. Ça vous va? Ça va très bien, hein? Et toi? Bah, vous m'avez manqué. Attends, je dors, j'entends pas bien, il y a des mauvaises fréquences aussi à Hawaï. C'est normal, on perturbe les fréquences, hein, on va arriver en FM, nous. Ah bah oui, c'est vrai, hein, ça. Vous êtes content pour nous? Bah oui, bien sûr, hein. Comme ça, tous vos copains du bar... Maintenant que je suis diffuseur en FM, Comme ça, tous vos copains du bar PMU vont pouvoir vous entendre. Bah, je bois avec eux, hein, tu crois quoi, toi? C'est génial, ça. Mais on est content pour vous. Et pourquoi, qu'est-ce que vous faites à Hawaï? Comment vous trouvez l'argent pour aller jusqu'à là-haut? Ça reste secret entre nous, hein. Ah. Pouvez-vous partager le secret? Bon. Alors, je vends de l'alcool illégal. Mais il faut pas le dire, hein. Faut pas le dire, hein. Parce que sinon, mes petites femmes hawaïennes, elles vont être tracassées. Puis... Vous avez des femmes hawaïennes? Bah oui. J'ai Aloha qui est là-haut. Aloha! Aloha! Enfin, c'est marqué sur son front, alors je pense qu'elle s'appelle comme ça. Aloha! Aloha! Laissez tranquille ces gens. Et j'ai même un beau collier de fleurs. C'est vrai? Oui. Vous nous enverrez une photo? Bah, y a pas tellement d'appareils photo, hein, par ici, hein. Et... Mais en fait, vous restez là-bas longtemps ou vous allez revenir? Ah ben, c'est juste le temps que je prenne un bon bain de bière, hein. La la la, aloha, aloha, oui, coucou, hein. Charlie. Très bien. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été à l'antenne et on va on va essayer d'oublier cette séquence. En tout cas, voilà, si vous aimez Jean-Michel, dites-le nous, plus 32 49 9 15 75 ou si ou pardon, il est célibataire. Il est célibataire, voilà. Donc si vous voulez faire une rencontre, c'est peut-être le moment, mais il est peut-être occupé avec ses femmes hawaïennes. Voilà, par contre le soir, il est célibataire. Parce que quand il est bourré, voilà. Ok, je me tais. Effectivement. je vous propose en tout cas que ce soir, on se fasse un petit défi. Carla, je Bruni. Sens... Carla Bruni. Oh mon Dieu. Ça vaut 5 euros, ça quand même. Carla, je sens. Ah bah... Bon, on a la fenêtre ouverte dans le studio car je vous dis, les gens qui ont conçu ce bâtiment n'ont pas conçu l'idée que on pouvait mourir de chaud par plus 30 degrés ici dans ce studio. Et étant donné qu'on n'avait pas tellement envie que la console s'éteigne et se mette en sécurité à cause de la chaleur, on a ouvert la fenêtre. Voilà. Et en ouvrant la fenêtre, Kylian, qu'est-ce qu'on sent ? Le crabe. Alors je sais pas si c'est un barbecue ou un feu de bois. Et je dois vous dire que cette odeur me donne faim quand même. Ça me donne faim. Est-ce que t'as pas envie d'aller juste faire un petit tour dehors, juste devant la radio comme ça, pour nous dire s'il y a un barbecue qui s'y tient? Un barbecue? Un barbecue. Ça s'appelle des poils de pète, on dit. Barbe au cul. De quoi? Barbecue. Barbe au cul. Ah, donc barbecue. Autrement dit, poils de pète. D'accord, très bien. Bien, on va oublier ça parce que sinon. Mais nom de Dieu! Calmez-vous! Calmez-vous! Il en refera plus des blagues comme ça, on vous le promet, madame. Bien, Kylian, bah, je t'en prie, tiens, prends ce micro-là et tu pars directement au duplex. C'est parti, on teste le micro en direct. Voilà, on l'installe, on fait tout en live, hein, je vous le dis. Et comme ça, peut-être tu vas croiser Corentin. Parce que, attends, un, deux, test, je teste le micro sans fil. Parfait, voilà, on le reçoit bien. Kylian, tu vas partir donc dehors. On va attendre encore 5 minutes comme ça, tu vas croiser Corentin quand il va arriver. Bah oui. Ça te va? Au pire, on peut même peut-être lui demander où il en est, comme ça, avec un peu de Non, je lui fais confiance. Par contre, il faut vraiment qu'on le fasse avant qu'il fasse trop noir et avant qu'il fasse trop tard, tout simplement, parce que on mange quand même à 20h, pas à 21h, donc, enfin, ça dépend pour qui. Mais voilà. Et vu que nous, on travaille beaucoup, on n'a pas toujours le temps de manger. C'est ça, effectivement. Mais les voisins de la radio, ils vont dire. Ils sont pas là, ces cons-là, aujourd'hui? C'est, ils sont là. Ah. Putain, j'aurais dit la voix de mon père. Comme un peu. Ils sont pas là, ces cons-là, aujourd'hui? Si, ils sont là. Ah, le si, ils sont là. Si, ils sont là. Bien. Il faut que je vous présente quelqu'un. C'est un des nouvelles voix que vous allez entendre régulièrement à l'antenne d'Hilar FM. Je vous propose que tout simplement on parte à sa rencontre. Je vous propose de découvrir. Bonjour, je pense que vous êtes Patrick. Salut toi. Ah salut, ça va? Très bien et toi? Donc vous vous appelez Patrick? Je m'appelle Patrick, oui. Et quelle est votre passion dans la vie? Alors moi je collectionne les amplis. Les amplificateurs? Les amplificateurs, oui. Je fais beaucoup de brocantes. Salut Kylian! Ça va? Bah Kylian, réponds! Bah oui, mais je savais pas qu'il m'a entendu en fait. Si. Et Patrick, en fait, vous travaillez dans quoi? Vous faites des brocantes, vous êtes un peu comme Louis la brocante. Alors oui, effectivement, je suis banquier. Banquier? Banquier. Dans une banque. Oui, c'est logique. Oui, fort probable. Et donc... Salut Thomas! Oui, salut! Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. D'absence. Gilles de la Tourette. On sait d'où ça vient. Cette famille, hein. Excusez-moi. Si seulement cette radio était filmée. Et donc. Non mais j'ai acheté un nouveau ampli. Hein. Il fonctionne bien. Très bien, très bien. Et à quoi ça vous sert d'acheter tous ces amplis? Alors en fait, comme ça chaque année je peux écouter un nouvel ampli. Et ça me fait penser à un nouveau son. Et donc, vous êtes, ouais. vous êtes fan de musique? Ah, je suis un fan de musique, ouais. C'est quoi votre groupe préféré? Les Beatles, les Rolling Stones. Y a un peu de tout, ouais. On ne boit pas à l'antenne, monsieur. Salut Thomas. J'étais complètement asséché. Donc, j'ai un peu bu, désolé. Alcoolique. Alcoolique. D'ailleurs, vous vous buvez ou pas? Ah non. Oh. Ah oui. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un petit verre de vin, mais de temps en temps, quoi. Pardon. De ma gueule. Non mais. Je m'excuse. Je suis désolé. Mais Patrick, en tout cas, on vous souhaite une belle soirée, en tout cas. Vous nous écoutez alors, c'est-à-dire? Bah toujours. Ah, qu'est-ce que vous aimez dans l'émission? Ce libre antenne, cet échange avec les auditeurs? Ouais, j'aimerais bien entendre de nouveaux canulars, oui, c'est ça, oui. Bah les canulars, ils reviennent la semaine prochaine. C'est vrai? Ouais. Avec des remplis. Salut Kylian. Salut Thomas. Corentin, il est pas là? Corentin, non, il y va arriver. Oh là là. Et votre spécialité culinaire, c'est quoi? Les lentilles. J'ai entendu dire que vous faites bien le chocolat chaud. Le chocolat chaud, oui, effectivement, oui, c'est j'adore faire des chocolats chauds. Vous nous en amènerez pour l'occasion, d'accord? Oui, sans problème. Très bien. Je fais aussi des raviolis. C'est bien. Je cuisine en boîte. Ok, allez, merci en tout cas, Patrick. Ah oui, aussi. Oui, c'est gentil. De la choucroute. Ok, tout en boîte. C'est super. Allez, on va vous quitter, Patrick. Ouais. Je suis désolé. Allez, on se retrouve bientôt, Patrick. Merci d'être là, en tout cas. De rien. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de Patrick Kylian? On vient de le découvrir. Hein. Alors, Patrick, c'est un phénomène de foire. Voilà, disons que. Bah oui, bah Jack, il a dit, il aime bien la musique et tout ça. Donc, oui, mais toi aussi, non? Oui. Mais oui, mais je veux dire, c'est pas le même style, quoi. Il y a un super échange ici. En tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse le petit indice de l'objet du peuple avant de retourner en mode musique. Ça te va, ça? Oui. D'accord, c'est parti, on y va, on retourne en... J'ai fait on retourne, on aurait dit, je sais même pas ce que c'est qui, mais voilà, c'est parti, l'objet du peuple. L'objet du peuple. Kylian, je te propose de nous dire l'objet du peuple que tu vas nous faire découvrir maintenant. La réponse. Direct. Non, le deuxième indice. Le deuxième indice. Alors, je peux être imprimé. Je peux être imprimé. Alors, sachant que le premier, c'est je suis encadré. Je suis encadré, je peux être imprimé. Suspense. Allez-vous découvrir l'objet du peuple avant que je le découvre, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez trouver avant moi l'objet. Sinon, les cadeaux iront pour moi, pas pour vous. Enfin, je plaisante, donc je prendrai pas les cadeaux. On les remettra en jeu pour la semaine prochaine. Mais, cela dit, il y a de très beaux cadeaux qui viennent pour en témoigner. On ne vous dit pas quoi, mais il y a de beaux cadeaux. Oui, bah il y a des frites, il y a un restaurant de mon hamburger. Et il y a un coca signé, dédicacé. Un coca signé? Non, il y a des albums de chanteurs de nos jours. Ah. Dédicacés. Dédicacés. Pour la plupart. Dédicacés, c'est... Ouais, je crois que c'est le jumeau que j'avais fait la semaine passée, il y a deux ou trois semaines. Oui. Donc je me suis permis librement de le reprendre. Hop, 5 euros parce que tu voles mes blagues. Est-ce que tu le connais, lui, Pharrell? Mon pote Pharrell? Bah oui, Pharrell Williams. Pff, ah ouais, on le connaît. Freedom, le single de 2015, je vous propose maintenant sur LRFM. Freedom. En mode été, là, c'est super, là. Freedom. La liberté qu'on a de vous avoir en direct ici tous les samedis en direct, c'est ce que je viens de dire, c'est pas grave, c'est une petite répétition. ça va Kylian? Ça va très bien, bah, surtout grande forme, que hein. Un petit Pharrell Williams, ça fait du bien comme ça peut. Bah, évidemment, ça fait toujours du bien, un petit coup de Pharrell. On dirait qu'on parle d'un médicament. Un petit coup de Pharrell, ça fait du bien. Oh oui, d'ailleurs, je pense que maintenant, il est l'heure de faire ton... Ah non. Il est quoi? Non, j'ai dit une bêtise. Vraiment une bêtise? Oui. Tu me l'as dit hors antenne parce que j'ai dit il est l'heure de mourir, mais ah, sachant oui, okay. Qu'aujourd'hui il y a un sujet qui est particulier. Oui, tu en as parlé tout à l'heure dans ton émission, 19h-20h, avec grand sérieux. Tu as eu le regret de devoir annoncer aux auditeurs d'Hilar FM que le DJ Avicii est malheureusement décédé. À l'âge de 28 ans. À l'âge de 28 ans. Moi, ça m'a choqué. Très clairement, ça m'a choqué. On en parlera juste après avec Corentin Stock qui va arriver dans quelques instants. Mais Kylian, maintenant, il part tout de suite en direct à l'extérieur. Avec le micro pour accueillir Corentin. Oui. Et en même temps. Et oui, je vais activer ton micro. Et je dois mettre le truc sans fil aussi. Et il allumé au moins? Un, deux. Non mais regarde s'il est allumé. Il est allumé. Ok, je suis censé te recevoir, hein, normalement. Pardon, je me suis trompé de curseur, c'est le curseur d'à côté. Ah, bravo, hein. Ouais, bah bravo, hein, bravo. Allez, salut, allez. Ouais. Allez, jamais content. Jamais content, effectivement. Je te laisse partir dehors oui. et nous tenir au courant de la situation. Prends le casque et tout, enfin le petit boîtier pour avoir le retour et tout. Et on va mettre ça en place. Sur ce temps-là, on s'écoute le titre. Mais je suis en amour devant ce titre. C'est celui. Ça s'appelle Paper Cut. Tu connais Kylian ? Pas du tout. Tu connais pas ? Non. Ah, j'adore. Ça me dit rien. Mais peut-être que à l'air tu vas détecter. C'est une des nouveautés Hilar FM d'ailleurs. Tu vas sûrement le diffuser prochainement dans ton émission. Je vais vous le faire écouter. Si hop là. Je sais pas pourquoi j'essaie toujours d'écouter mon micro avec le. Enfin, je colle. À chaque fois tu me dis tu connais peut-être. Je colle mon oreille au micro. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le micro genre c'est un casque. Ok, on va voir ça. Ce qu'on peut faire pour toi. Maintenant, sourire la RFM, j'espère que vous passez de belles soirées. Nous sommes dans Jadoul en direct. On vous aime très profondément, je vous le dis. Ça, c'est vrai. C'est Jadoul en direct. J'espère que vous passez un bon samedi soir. En tout cas, nous, l'émission démarre maintenant pour sa dernière heure. C'est là que tout se joue. Je vous le dis, c'est comme un match super important. Nous sommes sourire la RFM. Il est 21h03 et nous retrouvons notre Kylian Welfring, l'envoyé spécial, qui est là avec son micro dans les couloirs d'Hilar FM, je pense. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc là, il est en train de quitter le studio. Il part dans le couloir entre les studios du groupe TMS Prod. Et voilà, là, il s'en va. Peux-tu nous dire où tu es ? Je suis, donc là je suis pas encore à l'accueil, je suis encore dans les coulisses. Voilà, entre les plateaux voilà. Et le studio radio. Voilà. Donc, car on vous rappelle, ici on est à TMS Prod, donc c'est Hilar FM hein, évidemment, mais c'est le même groupe. Donc il y a aussi le studio de Cher, par exemple l'émission Média qu'on tourne là-bas. Peux-tu nous dire le moment où tu arrives en bas devant la radio à l'extérieur ? Oui. Car nous, on a l'étage, en fait, et il doit passer par l'accueil et tout. Donc, ça devrait aller. Mais, en tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de trouver un barbecue qui se fait quelque part, peut-être, dans le voisinage. Voilà, là, je suis à l'accueil. Ok. Voilà. Je vais juste mettre le micro sur pause le temps que je mette ma veste. Ok. Eh ben, très bien, mets ta veste. Il fait froid ? J'en sais rien, je vais voir. Je vais aller dehors. Ok. Mais je suis très frileux. Il est très frileux. Oh, le pauvre. Oui. Oh. J'espère ouais, juste pour m'enfermer à clé. Oh, bah si, hein. T'as ton badge ? J'ai mon badge. Non, je crois que je l'ai laissé en plateau. Ah, super, génial. Donc, tu es complètement démuni de moyens d'accès. Effectivement, oui. Ça va être génial. Allez, c'est parti. Voilà, je suis devant le studio. Ah. Donc, il fait bon. Il fait tiède. Pour un samedi soir, il fait bon, je trouve, non ? Oui. Allez, attends, donc là il y a un petit buisson, il y a une boîte aux lettres, il y a une route. Ah, donc. Et surtout, il fait encore un peu clair. Il fait encore assez clair, le clair. Le ciel est assez dégagé, donc c'est très bien. Ah, donc c'est super. Et est-ce qu'il y a des bancs ou des endroits où les gens pourraient peut-être faire un barbecue ? Là pour l'instant, je ne vois pas grand monde. Ah. Si ce n'est que des maisons et des volets qui se ferment à chaque passage. Ah oui, d'accord. Donc les gens sont en train de dormir en fait, c'est ça ? Voilà. Ouais, non, mais en fait, on est dans un quartier. Hilar FM, c'est quand même un quartier où il y a des gens, mais d'une tranche d'âge. Plutôt âgé, hein, c'est ça ? Oui. Et donc, si tu croises quelqu'un, dis-lui bonjour et dis-lui qu'on est à la radio en direct. Hein. Bah oui. Là, je suis en train de... Je vous entends juste un petit peu moins fort, en sachant que je suis à une assez longue distance du... Ah, carrément ? Oui. Bah, enfin, je veux dire, ça va encore, je vous entends encore, mais okay. Je suis au niveau de la route. De la route. De la grande route. De la grande route. La grande route. Grande route. Alors je vais juste enlever mon casque. Le temps de traverser, histoire que je n'entende pas les interférences et que je me fasse écraser. Ok. Ouais, parce que en fait, la radio, il n'y a bah pas voilà. Loin. En plus, il y avait une voiture, justement. Et j'ai cru qu'il allait dire bah voilà, je suis écrasé, bravo à vous. Non, mais voilà, pour vous situer un petit peu, il a refait. Oula, aïe, aïe. J'ai de nouveau les interférences de la radio de la dernière fois. Dans le casque? Oui. Il y a quelqu'un sur notre fréquence? Il faut croire. Parce qu'en fait, on diffuse une fréquence qui gêne personne pour les casques. Et oui. En fait... Lors des tests, on avait déjà eu le même problème. Il entendait les pubs pour Barilla, les pâtes, dans son casque. Mais ça fait extrêmement mal parce que ça a fond, en fait. Ça va à fond dans le casque. Ah oui, parce que nous, peut-être qu'on envoie un signal un peu faible. C'est pour ça qu'à mon avis, ça prend le dessus. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Je ne te le cache pas, Kylian. Surtout que c'est comme si tu mettais de la musique avec le casque à fond, quoi. tu sais même pas diminuer le son qui arrive. Ouais, non, je comprends. Et est-ce que tu vois en même temps Corentin, tant que t'es dehors? J'entends pas. Est-ce que tu vois en même temps Corentin tant que tu es dehors? C'est bon, je rattrape une petite onde, mais je dois rester à un endroit précis. Je ne vois pas Corentin, non. Corentin n'est pas là, donc il va peut-être nous rejoindre dans le courant de cette émission, en sachant qu'il nous a dit qu'il allait venir à 21h. Hein. On sait pas trop. Donc... Je sais pas si vous pouvez... Attends. Je sais pas si vous pouvez entendre. Attendez, je vais bouger et je vais vous faire écouter. Attends. Ah. Il faut que je retrouve l'endroit. Qu'est-ce qu'il va nous faire écouter? Sachant que ça fait extrêmement mal aux oreilles. Putain, je trouve plus l'endroit où il y a des ondes. Ah, pour nous faire écouter le bug de réception. Non, je trouve pas l'endroit, mais ça fait extrêmement mal aux oreilles. Aïe. Voilà. Ah. Oh la vache. Voilà. Je sais pas si vous pouvez entendre, attendez. On n'entend rien, on n'entend rien. Mais à chaque fois, j'en mets le casque sur les oreilles. Oh, purée, ça va fort. C'était sacréable. Attends, je vais essayer de le mettre et qu'à un moment, je passe à côté, mais je vais le laisser tout le temps près de... Ok, ok, vas-y. Attends. Voilà. Il met le casque contre la bonnette. Voilà, vous entendez ou pas? Ouh là là. T'as entendu? Bah ça a fait... Ah, j'ai plus aucune onde. Je vais te faire un appel par téléphone, ce serait peut-être bien. Ok, on va te faire ça. Voilà. Je vais essayer de joindre Kylian par téléphone. Kylian. Son numéro de téléphone, je sais même plus lequel. Voilà, c'est certainement celui-là. Et on l'appelle avec le standard téléphonique. C'est parti, normalement ça devrait sonner et il devrait décrocher peut-être dans quelques secondes. Allez, voilà, ça sonne. On a quand même des moyens techniques pour faire des duplex et on se retrouve quand même à faire ça. Oui, Kylian. Allô, allô. Oui. Ah, oui, on t'entend en écho. Là-bas. Il y a des câbles. J'allume le micro, voilà, j'éteins le micro main. Mais tu peux laisser le micro main, hein, lui il capte bien. Ah. Donc remets le micro main. Tu peux remettre le micro main. Oui, je l'ai là. Ah, pardon. Ah, non, je l'avais pas. Là, je l'ai. Ah, on est d'accord, c'est bien. Et ça sent le barbecue ou pas? Parce que la mission, c'est quand même de trouver un barbecue et nous ramener de la merguez. Hein. J'ai l'impression que l'odeur ne vient pas par ici. Parle dans ton micro, Kylian. Ah oui, c'est vrai, j'ai réflexe maintenant de parler dans le téléphone. L'odeur n'a pas l'air de passer par ici, donc je ne sais pas d'où elle vient. Ah ben, essaye à l'odeur de trouver l'endroit d'où provient cette belle odeur de barbecue qui me donne quand même l'eau à la bouche, même si on vient de s'empiffrer un truc à l'instant. Je sais pas si vous entendez les interférences là. Si, les interférences. Là. Ouais. Là. Oh! Mais il y a quelqu'un qui parle dans les interférences. C'est... Oui, je pense, ça doit être. Ça doit être un studio plus loin à côté, une autre radio qu'on connaît pas. Attention. Une radio pirate. Attention. Ouais, en plus, les gens ils vont croire que je suis en train de faire un truc de particulier. Je suis en train de tourner devant leur maison dans un arbre avec un micro, écoute, un casque. Tu fais du repérage, hein, c'est bon. Voilà, hop. Oh la vache. Attends, je recule. Putain, vache, les gens ils vont croire. Je te jure, ça fait bizarre. Attends. Ah. Attends, tu pourrais... Tu sais ce qui serait drôle? Oh là là, oui c'est bon Kylian, on a compris. Oui, attends, je vais couper... Non, je peux pas éteindre le casque. Tu sais, tu peux le... Si, tu l'éteins. Ah bah si, oui mais ça va pas couper le micro. Non, là, aucun rapport avec le micro. Ok, attends, 2 secondes alors. Je l'éteins. Matériel Ilar FM, j'adore. On en parlera à Corentin qui est quand même notre responsable technique. Voilà, je pense que je l'ai éteint. Ok, c'est super. Donc, ce que l'on va faire, c'est que... Tu sais ce qui serait pas con, Kylian? Non. C'est que on téléphone aux gens chez qui il est en train de passer devant. Oui. Et on leur dit, écoutez, voilà, bonjour, c'est la gendarmerie. Si vous voyez quelqu'un avec un casque un peu bizarre, vous pouvez nous le signaler, s'il vous plaît? Oui, t'as raison. Il y en a un qui sort une carabine. Il y en a un qui sort une carabine, mais t'es parano, toi. Est-ce qu'on m'entend toujours dans le micro là? Ouais, ça va. Si je parle là, tu m'entends bien? Ça va. Ah bon, c'est marrant parce que je suis au niveau des pompes funèbres, enfin des trucs funèbres. Ah oui, quand même, c'est loin ça. Ah oui, c'est pas arrêté. Bah on te reçoit, ça coupe un peu, mais on te reçoit quand même. Bah ouais, bah je n'en, enfin c'est un peu normal que ça coupe parce qu'on est quand même assez loin. Ouais, on est vachement loin quand même. Les pompes funèbres, c'est pas à côté, hein. Voilà. Donc et Corentin, il ne donne toujours pas de signe de vie. Donc Ah d'accord. Ben on va voir si s'il y a moyen que tu le croises, ou alors tu reviens en studio, c'est comme tu veux. Mais moi, je te jure que j'ai envie quand même de téléphoner à quelqu'un qui se trouve juste dans cette rue là. Pour lui dire que mais t'es pas mazo, toi. Là, il va sortir avec une fourche, une carabine, c'est bon, je l'ai, pas besoin d'appeler les flics, je vais m'en occuper. Une fourche et une carabine. Tu t'écris au Moyen Âge. On n'est pas au Moyen Âge. C'est qu'il y a le truc funèbre en face, mais bon, j'ai quand même pas envie. Non, mais j'appelle quelqu'un en disant, oui, voilà, on est à la recherche d'un fou qui s'est échappé. Il a pris un casque et un micro avec une bonnette rouge, il a RFM. Est-ce que vous... Et il semblerait chasser les fantômes. avec un casque et... Ouais. Attends, je fais ça. Ne quitte pas, je vais les appeler. Non, parce qu'il y a des gens qui passent et qui me regardent comme un con. Je suis en plein milieu du carrefour. C'est vrai ? En plein milieu du carrefour. Et il y a les voitures qui passent et qui me regardent bizarrement. Je suis au téléphone avec un micro en main. Ouais, le micro, on a de plus en plus du mal à le capter, donc je te bascule en mode téléphone. Ok. Voilà. Hop. Mais tu peux le laisser allumer. Hein. Ah, t'es tombé ? Tu t'es fait écraser ? Non, j'éteins mon micro. Ah, mais je t'ai dit de pas le couper. Ah, merde, mince. Non, laisse-le, parce qu'au pire, si on te reçoit, on peut le rebasculer. Pardon ? J'ai dit merde, il faut mettre 5 euros. Ah, il faut mettre 5 euros. Ah oui, bah tu l'as dit deux fois. Mais non, je l'ai répété parce que t'avais pas entendu. Ok, bon, je note, ça fait 5 euros dans la cagnotte, il a RFM. Je n'ai plus le jingle puisque mon cartoucheur s'est éteint. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, je note un billet de 5 euros de la palle à part de Kylian. La palle. La palle. Même en duplex, tu te fous de ma gueule. Il n'y a pas moyen de. Ah, gueule. Hop, 5 euros pour moi. En fait, à chaque fois, on va dire un gros mot. Ouais. Du coup, on va entasser gros mot sur gros mot. À la fin, on va en avoir marre. On va arrêter l'émission sur des gros mots. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de récupérer quand même un cartoucheur d'ici la fin de l'émission parce que là, je peux plus envoyer de jingle. Presque même pas de musique, je pense. Ou quoique, ouais, il y a peut-être moyen pour une musique. Kylian, ce que je te propose de faire, c'est que Corentin a l'air un petit peu en retard. Oui. Donc. Un petit peu, le mot est fait, mais oui. Donc, je te propose de revenir quand même ici au studio. Oui. Et de revenir, d'accord ? Ok, ok. Sur le temps, je lui sonne ou... Ah non, l'appelle pas. Ah ouais, on va le laisser dans son... Non, dans il son va arriver. Il va arriver tranquillement. Donc je te laisse revenir au studio, revenir par ici, comme ça on va te recapter avec le micro. Ok, ça marche. Il fait bon, hein, dehors. Il quand est même. Toujours allumé le micro. Hein. Oui, je sais, je le reçois. Mais il commence à faire noir. Hein. Il fait sombre, ça m'étonne. Bah, il commence aussi à faire un petit peu plus frais. Tu sais ce que j'ai envie de manger, c'est les manchemallows. Tu sais, quand tu les grilles. Manchemallows. Bah, non, des manchemallows. Manchemallows. Bah, manche, ça dépend. Il y a mâche et il y a marshmallow. Il y en a qui disent ça. Alors, je sais pas c'est quoi le vrai, le faux. Oui, bah c'est un petit peu comme voilà, donc ou alors voilà. OK. Ou encore on est bon. Voilà. Ouais, mais il y a voilà. C'est vrai aussi. Moi aussi j'ai envie d'en manger. Ah ouais, mais griller, tu sais, tu les grilles au-dessus d'un feu là. On peut pas d'en faire cuire sur un feu de bois ? Bah déjà on n'en a pas et on n'a pas de feu non plus donc Bah bravo, merci la production. De rien, c'était avec plaisir. Je traverse, je vais essayer de rester en vie mais je traverse. OK, et nous on te reçoit de nouveau avec le micro donc ça va. Ah bah nickel. Voilà. Et il y a même pas beaucoup de voitures, je pense. Hein. Bah pour l'instant non. Si tu peux traverser tranquillement une nationale, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde sur la route. Hein. Non. Mais je dis, je vais quand même peut-être pas non plus rester 4 heures. Quoi. Voilà. Oui, il commence en plus à faire frisquet, comme on dit. Frisquette. C'est mon chat. Ouais. T'es en haut-parleur là ? Je suis en haut-parleur. C'est oui. Abominable. Là, je l'ai mis en oreille. Voilà. Bon bah tu vas nous revenir entier, je l'espère. Et qui sait, peut-être Corentin également. À voir, à suivre. C'est très marrant s'il se pointe juste pour les 15 dernières minutes d'émission, Corentin. Oui. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Hein. Trop sympa, toi. Tu dis. Ah bah ici, au sol, il y a un emballage d'un autre fast-food, l'inverse de celui où on a été. Ah. Ah oui, celui où c'est mauvais là. ben je le dirai à Corentin. Débat à faire. Oh bah je suis désolé, c'est dégueulasse chez eux. Mais on ne dit pas qui, donc on peut se permettre de le dire. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, il faut refaire un débat. Ouais, voilà, c'est ça. Bien, Kylian, on t'attend, tu vas revenir ici au studio et... Bah oui, je suis là, je suis à quelques pas de la maison. Ah, carrément. La maison mère. Voilà, la maison mère. Et j'espère juste que le navire, qu'il y aura quelqu'un encore à l'accueil pour venir m'ouvrir. Ouais. Aussi, ils sont en train de préparer les petits fours. La porte a été claquée. Non, j'ai laissé entrouvert. Ah, ouais. Voilà, j'arrive au niveau du studio. Ah, ok, parfait. Je revois toutes les affiches, Hilar FM, TMS et tout ça, donc j'en déduis que c'est ici. Oui, donc j'en déduis. Je suis rentré quelque part, écoutez, je savais pas si c'était la radio. J'ai vu des affiches, écoutez, voilà. D'ailleurs. Bâtiment sur 20 étages. D'ailleurs, j'ai vu à quelqu'un sur Snap qui m'a envoyé une photo de sa glacière avec une vieille affiche de l'émission complètement déglinguée au marqueur parce qu'en fait, ils m'ont maquillé au marqueur et. Et ils m'ont travesti sur la photo et ils ont collé ça sur leur glacière. Donc à chaque fois qu'ils font un pique-nique ou un barbecue, ils doivent penser à moi. J'ai screené le snap qu'on m'a envoyé et je vais vous le mettre sur les réseaux sociaux. C'est hilarant. Ouais, c'est très drôle. Voilà, je te l'ai pas montré. Je te l'ai pas montré, Kylian. Pardon ? Je te l'ai pas montré le snap. Si. Ah, c'est drôle, tu le confirmes. Je confirme. Donc voilà, allez sur les réseaux sociaux si vous voulez voir ça. C'est la page Jadoul Thomas sur Facebook. Sur Instagram, c'est T Jadoul. Et sur Twitter, c'est Thomas Jadoul, comme sur Snapchat. Je vois que dans les bureaux TMS, ils sont bien occupés, donc on va pas les déranger. Occupés de quelle manière ? Ah bah, ils continuent à produire. À produire du sommeil. Voilà, à produire du sommeil, oui, c'est ça. C'est très actif, je n'en doute pas. Remets-leur leur bon bonjour. Bien. Bon, bah, je vais attendre que tu reviennes dans le studio parce que voilà, je vais pas rester 107 ans avec toi au téléphone. Et je remonte dans le studio. C'est parfait. Voilà, je suis là dans quelques instants. Je suis exactement dans les escaliers. Voilà, pour te dire, je n'ai pas mis mon casque, donc si tu me parles, je ne te parle pas, donc ça va. Et donc, voilà. Et alors voilà, je l'entends de loin car la porte du studio est restée ouverte comme chez des... Je suis là. Chez des Pignouf Productions. Coucou. Il est là, voilà. C'était le coucou le plus angoissant au monde. Tu peux revenir à ton poste et je te remercie pour ce duplex. Donc au final, on peut en déduire qu'il n'y avait pas de barbecue. Il n'y avait pas de barbecue. Non, c'est l'autre micro, je t'ai dit. J'ai pas vu que mon siège était aussi bas. Oh là là. Quand on mangeait, en fait, il était en train de tout tremper dans son ketchup quand il mangeait. Alors du coup, il a dû se mettre plus bas pour essayer vraiment d'être au niveau de la table pour tout racler dans sa bouche. Et en fait, là, maintenant, il a oublié que son siège était rabaissé, donc il s'est jeté dessus. Au maximum en plus. Il était rabaissé au maximum. Ça veut aussi on s'assied sur un petit tabouret. Il s'est éclaté le cul contre le siège. Oh, c'est un peu vulgaire, ça tient 5 euros. Allez hop là. C'est bah, bon. De te dire, il te montre ta carte de crédit, c'est bon. En ordre permanent. C'est parti, voilà. Et Corentin, tu l'as pas vu à l'horizon ? Je ne l'ai pas vu, non. Donc pas de barbecue et pas de Corentin. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Deux pour le prix d'un. C'est une horreur. Bref, bon, on va essayer de trouver une solution car les deux maquettes. Tu connais Oshi ? Oshi ? Non, pas de mauvais jeu de mots. Je te connais. Il nous aurait fait un jeu de mots au niveau des toilettes et je n'aurais pas aimé. J'étais déjà en train d'aller le dire en fait. Ben oui, mais c'est ça, mais je te connais tellement depuis 10 ans que voilà. Et d'ailleurs, oui, ça va faire 10 ans qu'on se connaît. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, on s'est connus en 2008. Ouais, et c'était dans le restaurant, le fast-food concurrent. En plus de qui, là. Qui aujourd'hui, Thomas dit qu'il n'aime pas. Voilà, c'est ça. Mais j'ai jamais aimé. Ouais. Sauf Allez. Pour la plaine de jeu. C'est là qu'on s'est rencontrés. En plus, c'est vrai, c'était dans c'est une vrai. Plaine de jeu. Mais c'était calculé. Hein. La blague. C'est la meilleure anecdote, je pense, de la soirée. Allez, messieurs, dames, Oshi, ta manière, c'est la chanson. Que, comme disent les jeunes, je kiffe en ce moment. C'est ce qui me met de bonne humeur. C'est ta manière. On l'écoute tout de suite sur la RFM. Vous êtes dans Jadoul. C'est le 20h, 22h qui ne vous lâchera jamais. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Oh, chi, oh, chi, oh, chi, oh, chi, oh, chi. Je lui ai fait stop, il a continué. En plus, ça fait hoche. Non, j'adore. Alors là, franchement, mais je n'ai jamais eu un truc qui me fait autant, autant automatiquement sourire. Je trouve juste cette chanson hyper efficace, quoi. Tu vois, il y a la montée là. On sent le truc qui monte. Kylian, il met son casque, il était pas branché son casque. Et donc, là, ça monte. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Je suis juste fan, moi. Alors couille sur le sable avant qu'un autre t'attaque. Et là. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, de ces pires la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amour au ton miroir. Mais je suis juste fan et je suis juste ultra déçu d'avoir su que ce titre existait seulement il y a, allez, on va dire 3 semaines, 1 mois, car il est sorti en décembre. Les gars, il est sorti en décembre, le titre. C'est vrai? Mais oui. Mais on l'entend seulement maintenant. Oui, bah tu sais. Je veux dire, il apparaît seulement maintenant. Ouais, mais c'était comme le titre, je sais plus, c'était lequel. Oh, tout le monde s'en foutait complètement et du jour au lendemain, bim, c'est devenu le titre de l'année, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y en a qui, voilà, qui, à mon avis, qui jugent trop mal. Et après, du coup. Mais c'est souvent le problème des critiques, par exemple. Les critiques, quand ils voient un film, ils font ah non, c'est de la merde, écoutez. Ouais, voilà, et du coup, les gens sont, voilà, n'ont plus envie et d'y aller. Et quand ça en sort fait, après en DVD ou à la télé, tout le monde est là, ouais, mais c'est le film de l'année. Ah là là, ça c'est ridicule. La critique. J'ai appelé un technicien, on aura bientôt le retour de mon PC avec les cartouches et les jingles, c'est magnifique! Donc du coup, il faut faire les jingles soi-même, Kylian. Pas le choix pour l'instant. Voilà. Donc, on y va. Comment on peut faire les jingles nous-mêmes? Il a acheté son téléphone par terre. Voilà, tant mieux. Merci, Jésus. Allez, bah, c'est y va. On y va, c'est parti. C'est l'objet du peuple. Voilà. Peuple. Ah non, non, l'écho, je l'ai toujours. C'est l'objet du peuple. Ouais. Moi, je peux pas l'entendre parce que je n'ai plus de casque depuis 5 minutes. Alors. Attends, donne-moi ton. Voilà, on va brancher ton casque en direct. Voilà, c'est ici la maison du bonheur, on fait tout en direct. Ton Jack, s'il te plaît, rapidement. Il est là. Ah, mais il est où là? C'est marrant, toi. Je peux pas tout faire en même temps. Hein. Oh. T'as cru que j'étais Dieu, moi? Oui. Ah, mais non. T'as bien raison. Mince. Allez, hop, là, on rebranche ton casque et c'est parfait. Nickel. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut là où il faut. Oui, okay. Allez, on y était. C'est l'objet du peuple. Peuple. Nico était déjà là. Je sais, mais. Allez, Kylian, le premier indice était. Je suis encadré. Et le deuxième indice était. Je peux être imprimé. Pourquoi tu les engueules, les gens? Le mec, c'est pas. Je peux être imprimé. C'est Je vais l'imprimer, d'accord, ferme ta gueule. C'est super. Oh, gueule. Hop, ça y est, un mois plus. 5 euros. Papa la pomme. Alors, ferme. Oui, parce qu'on doit les noter. Hein. Voilà. Ah, j'ai pas mis que c'était moi. C'est moi et ça, c'est toi. Non, j'ai rien dit en gros aujourd'hui. Si, quand t'étais dehors. Ah oui, t'as raison, c'est même moi qui l'ai dit en plus, je suis bête. Voilà. Donc, on est à 5, 10 euros chacun. 10 euros chacun, ça fait 20 euros dans la boîte Hilar FM, la grosse cagnotte. Allez-vous la gagner? Tiens, c'est la question que j'ai envie de me dire. La manière où tu as dit la grosse cagnotte. Bah, c'est comme Laurent Ruquier. Ah oui. Les hommes aiment votre poitrine. Voilà. C'est Laurent Ruquier. J'aurais tellement aimé avoir le cartoucheur pour vous faire écouter. Mais c'est pas en lui tapant dessus que. Oui, j'étais là en mode. C'est pas grave, ça va revenir. Oui. Je vais me détendre. Et Corentin, peut-être qu'il va arriver, je sais pas. Ça, c'est les aléas du direct. C'est les grands mystères. Donc, si vous avez trouvé l'objet du peuple, vous nous envoyez un petit SMS au. Plus 32 49 9 15 75. Ok, on est bon. C'est une horreur. Guignolo Productions vous présente maintenant la deuxième séquence avec son jingle complètement improvisé. C'est le jeu des 5 mots. Ouhou. Merci. Voilà. C'est la radio le à l'ancienne. Fous, là. C'est vraiment la radio à l'ancienne. J'adore. Je suis complètement fan. C'est à moi de te faire deviner les 5 mots. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Comment on fait le chrono? Le chrono, bah, la méthode classique. Le bah, oui. Téléphone. Voilà, on va prendre un chrono. 5. 4. Voilà. Voilà, voilà. Tu. Bah voilà, je peux faire un petit jingle comme ça en attendant. Non, c'est gentil. Et je devrais... Et le but d'un jingle, c'est pas de donner mal la tête. Alerte, alerte, ding, voilà, je peux pas faire les jingles à l'antenne, donc tu peux nous faire l'alerte, Kylian. Touloum. Kylian, non, Corentin, comment il s'appelle? Corentin est là, en direct avec nous, allô? Oui. Oui, c'est moi, je suis juste devant le studio. T'es juste devant? Eh ben, Kylian, pars avec un non, non, il est bien dehors. Ben, il est là en train de siroter son coca. Tu pars avec un micro et il va t'ouvrir la porte, d'accord, Corentin? Magnifique. C'est parfait. C'est la porte du Seigneur. C'est la porte du Seigneur, effectivement. Mais oui, il y a personne en bas, oui, qu'on est con. Allez, c'est parti. Kylian repart. Et tiens, je remets encore 5 euros étant donné que j'ai dit un gros mot. Et voilà, ça va être l'entrée de Corentin ici. Ah ouais, merde, j'ai complètement zappé. Kylian ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, je t'entends. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, je t'entends. Ah. Oh. Il est pénible. Je suis de nouveau dans les couloirs. Ça va, Corentin ? Hop, ça va, et toi ? On dirait que t'es décédé. Quoi ? Bah non, je suis là. Ah, ça va alors. Hein. Kylian arrive près de toi, donc normalement ça devrait aller. D'accord. J'attends. Mais moi aussi j'attends. Voilà la porte qui s'ouvre. Ah, tu vois, le temple s'ouvre. Mais qu'est-ce que c'est ? Il s'est coupé les cheveux. Mais non. Non, sérieusement, il s'est coupé les cheveux. Mais non. Mais non, il me raccroche à la gueule. Au visage, merde, 5 euros. Oh merde. Zut. Hop, bon, bah, bim. 45 euros là. Il vient de dépenser 10 euros. Très bien. Si tu veux prendre le micro, tu peux. Mais voilà, je prends le micro, magnifique. On va rentrer, on va rester toute la soirée dehors. Hein. Si j'ai les mains grasses, c'est à cause des frites. Hein. Oh là là, mon Dieu. Quelle équipe, voilà. Quand même. Ah, c'était très drôle, Thomas. Mais je rigolais de vous, va banane. Raconte-nous encore une blague, c'était hilarant. Je rigolais de vous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je rigolais de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Je rigolais de vous. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Ah ben... Mais j'adore. La coupe d'été. Mais je suis fan. Oh, il faut faire un snap et tout, c'est nickel. Ah bah oui. Je suis juste... Profites-en, ça va rester longtemps comme ça, le temps que ça repousse. Cher auditeur. Là, c'est bien parce que je sors du coiffeur. Hein. Ça sent vraiment mauvais par contre ici. Bah, ça sent la nourriture avariée. Ah oui, tiens. Par contre... Sans moi que vous avez été... Bah oui, c'est vous normal. Vous avez pris quelque chose pour moi. Tu sais où on a été, donc... Mais tu sais qu'il y a meilleur beaucoup plus près, hein. Oui, parce que voilà, en fait... Oui, mais... On vous explique. Il y a un déchet de là où tu parles, juste devant, pas très loin des studios. On pensait que c'était toi. Voilà. Pas le déchet, hein, le truc. Je suis le déchet, c'est sûr. On sait que tu l'as pensé. Bon, bien. On est en plein... Objet des 5 mots. Non, les 5 mots. Les 5 mots du peuple. Rien à voir. Tout confondu, moi. Les 5 mots d'Hilar FM. Les 5 mots de Jadoul. Alors, j'explique à notre directeur technique que nous avons un problème technique. Ah. Quand Kylian était en duplex. En duplex, carrément. À l'extérieur du studio, avec une liaison absolument parfaite grâce à nos magnifiques micros que tu as entre tes mains. Tout à fait. Il s'avère que. Dans son casque, il m'entendait et soudainement, il a entendu des pubs pour les pâtes Barilla. Donc, il s'est bien dit qu'il y avait un problème. Effectivement. Donc, il captait quelque chose de complètement rien à voir. Ah oui. Donc, si on peut donner des petits termes techniques, c'est un système in-ear. C'est encore Canal Plus qui fait de la merde avec son captage. Hein. Canal Plus qui fait de la merde avec son captage. Donc voilà. Et deuxième problème technique, on a. L'ordinateur avec les cartouches qui vient de s'éteindre. On ne donc comprend comme pas. Tu peux le voir, le temps qui prend cette marque-là. Hier, j'étais à un concert. Tu es le responsable technique de cette émission. Oui, mais c'est pas moi qui suis responsable du budget. Je sais. Tu passeras à la compta, ça nous libérera un peu de budget d'ailleurs. Mais en plus, le budget est en train de s'inscrire sur une feuille là. Ah oui, d'ailleurs. Bah, tu peux prendre un ticket de métro, c'est suffisant. Ah, mais sais. Il faut juste qu'il y a Corentin. Oui. Dans cette émission, on a une nouveauté. Ah. Encore ? Oui, c'est l'autoroute ici, il y a plein de nouveautés à la minute. Bon, alors bon. C'est tous à poil et on se caresse. Bon, c'est Thomas qui l'a dit, c'est pour ça que je vais partir. Non. Alors, la vraie nouveauté, c'est que dès maintenant, dès qu'on dit un gros mot dans cette émission, on donne 5 euros. Ah, mais j'avais cru coup. Ah, ok, d'accord. Nouvelle technique marketing et tout. Non, c'est pas. Vous allez renflouer les caisses de thème, voilà. C'est à fond. Hein. Non, c'est surtout que. En fait, on. D'ici la fin de l'émission, on est riche, hein. On était en écoute de pige et on voulait tout simplement Je trouvais que l'émission, même si c'est moi qui ai la décision de dire ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, je trouvais que l'émission était un petit peu vulgaire à certains moments. Donc je me suis... Tu as la décision, voilà, si j'ai envie de dire merde, voilà, j'ai dit merde, quoi. ça fait 10 euros de la part de Corentin. Bientôt, quand on mettra le pied gauche dans le... Tu pas tout à fait contrôlé, tu vois. Bientôt, si on passe par le pied gauche dans le studio, on devra payer 10 euros, tu sais. Non, mais voilà, comme ça, au moins, ça va nous dissuader de parler vulgairement dans cette émission. Et normalement, ça devrait fonctionner, enfin, je pense, du moins, j'espère. Donc, attention à votre vocabulaire. Et dès qu'on récupérera mon cartoucheur, je vous ferai écouter la petite alerte concernant les problèmes de vulgarité dans cette émission. Oui. Bien, le jeu des 5 mots. Je l'ai réveillé. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? On est où? On est où? Ah oui! Deuxième bonne nouvelle, on a un truc à t'annoncer, mais tu vas être fou. Oui. On va, dès la semaine prochaine, être diffusé en FM dans toute la ville. Sur le 106.9. Il n'en a rien à faire, au fait. C'est incroyable. Oh, bravo. Mais il était vraiment pas au courant. Il joue pas le jeu, là. Non, il était vraiment pas au courant. Non, mais c'est bien. Ah oui, effectivement. Comme ça, on sera dans tous les petits postes dans la ville, voilà, en question. Tous les vieux pourront nous écouter. Tous les vieux, voilà. Et comme ça, on pourra téléphoner carrément à des gens et leur dire, si on fait un canular ou quoi, bah allumez la radio et écoutez-nous. C'est bien fait, ça. C'est cool, non? On s'y croirait, voilà, presque. On s'y croirait. Et on dit... voilà. Bon, il est 21h35. Que Corentin est arrivé avec donc 30 minutes de retard. Merci, Corentin. De rien. Merci, le barbecue. T'es à barbecue. Oui. On était en duplex. On a fait tout le quartier pour essayer de trouver un endroit où il y avait un barbecue pour nous ramener de la merguez. Et le mec était là. Bah écoute, je mangeais. J'étais en train de faire un barbecue. Je t'ai envoyé des snaps. Ah, c'est vrai? Oui. Ah merde. Bah bravo. Ah, moi, en fait, bravo. Ouais, t'as reçu un snap de la friteuse. Parce que les autres snaps, je les avais pliés sans faire exprès dans ma story. J'ai voulu sélectionner Thomas, j'ai sélectionné story. Ça couille, le mec faisait vraiment des frites. Tout à l'heure, on vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, Corentin qu'on a eu au téléphone, car il est arrivé en retard au studio, on lui a demandé, voilà, un truc, et c'est parti en délire complètement. Écoute, très franchement, c'est parce que comme il était déjà 21h30, je me suis dit, je vais pas y aller parce que j'aurai pas le temps, sinon je vais arriver, ce sera fini. Tu l'aurais vraiment fait? Sinon, je l'aurais vraiment fait, ouais. Franchement, je t'assure. Semaine prochaine, t'es là? Semaine prochaine, on est le combien? Semaine prochaine, donc dans 7 jours, on sera samedi. Le 29. Le 28. Samedi 28, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, le samedi 28, est-ce que t'es là? Non. Mais celui d'après, je pense que je suis là. Celui d'après? Je pense, oui. Ah oui, bah oui, ok. Et donc voilà, on a vu ton snap et voilà, tu seras peut-être là la semaine prochaine. Enfin, du moins, on sait pas. Le petit screen, là, on l'a entendu là. Ah putain, ça fait mal! C'était rond. Non, mais j'ai entendu bang bang dans ma tête. Oui, mais je pensais que ça ferait moins mal que ça. Je pensais que c'était une montre. Ok, en fait, non, c'était juste Terence qui était complètement stone et qui s'est éclaté une bouteille sur la tête. Rien donc, que comme ça, ça voilà, rien que ça, vous pouvez le deviner avec nous. Bon, on va peut-être y arriver. C'est parti, on lance le jingle. C'est le jeu des 5 mots. C'est le jeu des 5 mots sur une FM. Voilà. Il y a de plus en plus de budget ici. Hein. Ça, tout direct maintenant. Ça ne rigole plus. Et oh, on est des artistes de cirque, nous. Hey, on fait tout en live, nous. Allez, c'est le jeu des 5 mots. Donc, je le rappelle, mes jingles sont momentanément malades. Donc, Thomas aussi. J'essaie de vous trouver un petit compte à rebours parce que je peux pas faire ça sans compte à rebours. Sinon, ça va être vraiment la galère. 5. 4. Non, voilà, j'en ai un. Ça doit être ça. 3. 2, 1, 0. Ouais, ça, c'est... c'est parti. Kylian. Non. Peux-tu me dire qu'est-ce qui a trois dents? Toi. Un trident. Une fourchette. Qui peut servir dans le jardinage. Ah oui, mais pas un râteau, mais un truc à main, quoi. Non, tu l'as dit tout à l'heure en plus sur duplex. C'est vrai? Oui. J'ai dit ça? Oui. Un petit râteau à trois dents. Trois dents? Bah oui, mais je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est pas un râteau. Un bébé? Un bébé râteau? Non. Un râteau laveur? Fin du temps, c'est terminé. Mais... les 30 secondes sont passées. Je parlais... Dis-le à Corentin. Non, fais-le à Corentin. Ah, donc on repart pour 30 secondes alors. Oui. Allez, c'est parti. Jusqu'à ce qu'on le trouve. Ok, carrément, si tu veux. Carrément, méchant. C'est parti, on repart pour 30 secondes. Un bébé? C'est parti. Donc ça a trois dents. Ça a trois dents. Ça sert dans le jardinage. Oui, bah c'est le métallique. Bébé. Le bébé. Non, pas le bébé. Si, moi je prends le bébé, crac, hop, on ratisse avec les dents du bébé. Quel âge a ta sœur, ta dernière sœur? Deux ans. C'est parfait, l'âge parfait pour tisser le jardin. Tu jardines avec ta sœur? Oui. Enfin, pas avec ta sœur, grâce à ta sœur, tu jardines. Tout à fait. Tu te sers de ta sœur pour jardiner. Mais il bah, l'a fait rire, et puis il l'a fait gratter. Oh, on a notre technicien qui vient réparer. J'ai eu peur. Oh, on a un câble de réparation pour notre cartouchier qui était complètement malade. Je te remercie, c'est très gentil. Oh, tu es le sauveur de cette soirée. Voilà, donc à 21h39, c'est un grand moment dans l'histoire de cette émission. Nous avons récupéré ça. L'objet que je te disais, c'était une fourche. Oui, bah, c'est, je l'ai dit. J'ai pas dit une fourche. Si, t'as dit si, une fourche. Si, moi je l'ai dit, tu l'as juste pas entendu. Si tu repasses le truc à l'envers. Ah oui. Il a dit. Je veux qu'on repasse l'enregistrement à l'envers. Tu verras. Écoute, on peut. Entre deux mots, je l'ai dit. Écoute, si on fait déjà les jingles nous-mêmes en direct, on peut pas repasser une séquence. Oui, ça. Okay. Là, ça, c'est le premier mot. Du coup, on refait les quatre autres. Yeah, super. Parce qu'il y en a encore quatre autres. Oui, il y en a quatre autres. Et si sur déjà le premier, on se plante. On va voir ce que sera les quatre autres. Écoutez, voilà, je suis en train de redémarrer en même temps mon cartoucheur avec tous les jingles. Et d'ailleurs, on a plein de choses ultra marrantes dans ce cartoucheur. On a préparé des trucs énormes. Et d'ailleurs, c'est con. C'est génial, ça va servir pour 20 minutes d'émission. Parfait. Non, ça a coupé à 21h. Donc, on s'en est servi une heure. Donc, je vous explique. La semaine prochaine, et surtout pour Corentin qui n'était pas là en début d'émission, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre là, actuellement sur Ilar FM en direct, nous sommes le 21 avril 2018, pour ceux qui ne savent pas qu'on est en 2018, la semaine prochaine passer en FM. Ce qui dit que l'émission va pas changer en termes de normal, quoi. Ça va rester comme on l'est là actuellement, sauf que ça va être le retour d'une de vos séquences préférées, qui est la séquence canular, les impostures téléphoniques. Donc ça va revenir, ceci. Et par Laurent, mais par l'individu qu'on va trouver. Voilà, c'est ça. Non, je vais faire les canulars en direct. Ah. Et on a déjà prévu. On a écrit avec Kylian, celui qui sera là la semaine prochaine. Je te conseille vraiment d'écouter le podcast si t'es pas disponible le samedi. Ça va être exceptionnel. Je suis disponible. On va appeler jusqu'au Québec. Ça va être... Montréal. Ah d'accord, ok, je comprends les coupes budgétaires en fait. C'est parce qu'ils ont tout réinvesti pour les appels de la semaine prochaine dans l'étranger. C'est ça. Mais en fait, ça nous coûte rien d'appeler au Québec ou d'appeler en Belgique ou en France. Donc c'est le même prix en fait pour nous. En fait, ça se joue à la minute et pas au pays. Donc je peux appeler Bangladesh, ça va être pareil, s'ils ont le téléphone. Je plaisante, ils ont sûrement le téléphone. Ça on sait pas. Tu connais des Bangladeshois? Je pense. Tu connais des Bangladais? Non. Non, bah moi non plus, mais si vous êtes Bangladais, vous nous appelez au numéro de téléphone qui est le 0800 493 68. Merci, donc c'est bien. C'est pas celui de Proximus. Donc, je rectifie. C'est le plus 32 49 9 15 75, vous nous envoyez. Ils ont mis le budget dans les effets alors. Oui, ouais, on a des effets géniaux. Attends, ouais. On a des effets absolument magnifiques. T'as vu, c'est en stéréo. Nom de Dieu. Ça, ça rigole. 2.0. Et là, ça fait très vieille boîte de nuit. Ça va, mon bichon? Alors, tu passes au comptoir? Ce soir, c'est Boris avec Soirée Disco. Oh non, ce vieux titre, je le déteste. Je sais pas longtemps, je vous jure. Lancé par Coco Disco. Qu'on rappelle, était Corentin quand il était jeune. Ah, bravo! Donc, en fait, on balance des trucs. Je vais vous raconter le passé reste au passé. Voilà. D'accord, voilà. Oui, mais là, le passé est revenu comme Boris. Que la société de Corentin est bien évidemment celle qui s'appelle Acoustique. Non, je plaisante. Acoustique Maison. LND Sonorisation. C'est Corentin Stock qui gère ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vous propose, si vous avez des événements. Ils sont à plusieurs, ils sont en groupe de 1. Non, vas-y. C'est l'instant promo. Donc, tu peux faire ta petite promotion maintenant. Tu as 10 secondes chrono pour la faire. D'accord. Je commence quand je veux ou non? Quand je mettrai le chrono. Voilà. Donc si quelqu'un peut meubler en attendant que mon cartouchier redémarre. Alors on va meubler. Tu viens avec moi, on va chez Ikea. Allez, vas-y, c'est parti. On irait pas se rechercher un petit quick? Si. Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit week. Mais bordel. Un week. Oui, c'est. Bon allez, on a dit. Alors on va dire McDonald's. Voilà, un McDonald's. Ou un week. Un week ou un McDonald's. Les amis, vous savez quoi? Non. Je viens de retrouver quelque chose. J'ai de nouveau accès à mon cartoucheur. Ouais. Merci pour votre ambiance, les gars. De rien, avec plaisir. Je pense qu'on va le laisser dans sa mortitude. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose de faire. Excuse-moi. Faire un doigt, ça compte comme une vulgarité. Il a fait un doigt. Mais oui. Il me dénonce. Un ami. Moi je dis ça, c'est un cœuron, non, il semble. Un ami depuis 40 ans. Non, j'applique les règles, moi. Merci, Corentin, merci. Putain, bravo, dénoncez bah, rien que pour ça, on va dire que allez chez SCS Event, il vous fait des événements gratuits dans chaque. On va pas exagérer non plus. Ok, très bien, c'est super, merci beaucoup pour votre solidarité, les gars. Mais de rien. Que ce soit à l'antenne ou hors antenne, ça prouve bien qu'on peut compter sur vous. Merci, les gars, bravo. Ben merci, voilà, on peut nous applaudir, je pense. Des claques, hein. C'est con. Allez, les amis, ce que je vous propose de faire, c'est. Claque, c'est violent quand même, c'est vulgaire. J'en peux plus de. Moi, je voudrais 5 euros. Hein. Mais fermez. J'en peux plus. J'ai dit fermez là. Ok, 5 euros, oui, voilà. C'est parti. 10 euros avec la claque. Mais d'ailleurs, je vais vous faire écouter la petite alerte au gros mot. Non, non, Marc d'abord. Oui, Marc d'abord. Parce que. Retiens, on change pas de sujet comme ça. Mais je change pas de sujet. On va d'ailleurs faire une petite tache au ketchup. Non, ceci est la petite alerte quand il y a un gros mot à l'antenne. Donc voilà, ça donne directement 5 euros. Super. Donc, on a l'impression que les Power Rangers vont rentrer dans la salle. C'est parti, on va se battre, c'est parti. Allez, donc je note, j'ai dit quoi ? Une bêtise. 5 euros. Non, bah oui, mais il faut que je note pourquoi quand même. Faut qu'on justifie quand bah, même. Bah t'as dit. Un mot vulgaire. Une bêtise. Vous me faites. Non. Ah ouais ? Non. Un truc du genre. Ouais. De toute façon, c'est de la même famille. Ouais, bah c'est bon, on va dire que c'était ça. Mais elle peut nous insulter parce qu'elle, elle fait pas partie de l'émission. Allez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'écoute un petit titre. Après, on s'occupe de Corentin. Regardez, c'est celui qui est là. Regardez l'autre fou là, l'autre mocheté. On va se calmer. Eh ouais, c'est pas moi. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Je suis juste fan. Allez, Devil in Me, tu connais ? Ah oui, ok. C'est super, je vous remercie. Devil in Me, tu connais ? Absolument pas. Le diable en moi. Attends, le mec qui fait des soirées et il sait pas les titres qu'il diffuse. C'est de Purple Disco Machine. Oui, mais lui, il met de la vraie musique. Voilà, c'est ça la différence. Ouais, c'est de la vraie musique, mais de la musique dont nous, notre style, on aime bien. Bien. Bah, vous allez avoir les derniers mots avant leur licenciement à l'antenne, juste après ceci. En tout cas, on s'écoute ça maintenant et on se retrouve juste après pour le dénouement de l'objet du peuple. Et le. Chaque fois, j'avais d'écouter mon micro, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, mais tout le temps son oreille contre le micro, je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un casque. D'accord. Il existe des casques pour. Oui, ça s'appelle des casques avec un micro. Mais en attendant, l'un des PC de la production ne compte qu'un seul, une seule entrée micro et casque en même temps. Ça changera pour nous. Mais non, mais pour dire qu'en gros, on peut faire un casque, un micro. Sinon, la musique, elle donne quoi ? Ouais, c'est sympa la musique. Merci, Corentin. Devil in Me, Purple Disco Machine, vous êtes dans Jadoul. Passez une bonne soirée. Nous sommes toujours en direct. C'est Jadoul en direct, j'espère que vous passez une belle soirée. En tout cas maintenant, on peut vous annoncer avec fierté que nous avons un jingle exprès pour cette émission. C'est celui-ci. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Tous les samedis, de 20h à 22h, vous avez la parole en direct avec Jadoul. 1, 2, 2, test, test. Corentin, oui. Je t'explique le principe de brancher un micro. J'ai même pas branché là. Je vous explique. Regarde, le câble rentre dedans. Le micro se branche donc avec une fiche. Bah, allez direct. XLR. Allez voir sur la page Instagram, je le vois. Voilà. Et alors, il a branché son. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Au lieu de brancher à l'arrière l'XLR. Il le fourre comme il peut sous la bonnette. Ça va lui faire de la bonne pub, ça, pour son. Attends. En plus, il y a le logo dessus. On va vous faire une photo. Qu'est-ce qu'on entend, hein ? Ah, c'est un avion, d'accord. Ah oui, on a la fenêtre toujours ouverte, nous. Ah oui, d'accord. Mais j'ai même pas le temps de prendre la photo. Mais c'est pas grave, on la prendra en fin d'émission et on la publiera juste après. Oh, il reste plus que 10 minutes d'émission, c'est parti, l'objet du peuple. L'objet du peuple. Kylian, la réponse de l'objet du peuple. Alors, si vous n'avez pas trouvé la réponse... Attends. Dernier indice, un dernier indice, comme ça. Un dernier indice. Entre nous, ouais. C'est quoi déjà les Allez, attends. Tu es prêt à... Je vais rappeler d'abord le numéro de téléphone. Et tu vas donner l'indice. Et on va lancer le compte à rebours avant de clôturer les votes. Enfin, les réponses. Oui. As-tu suivi ? Alors, le numéro de téléphone de qui ? De la radio. Ah, pour que les gens jouent. C'est le principe du jeu. Non, je vais d'abord donner le numéro de téléphone. Je dis quoi, je dois sonner à quelqu'un? Ok, non. Bon. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Voilà, c'est le numéro à ne pas louper, donc retenez-le bien car vous en aurez bien besoin. Kylian, attention, c'est parti, peux-tu nous donner maintenant en direct le dernier indice de l'objet du peuple en rappelant que le premier était... Alors, je suis encadré, je peux être encadré. Le suivant. Et le suivant, c'est... c'était quoi déjà, je ne sais plus. Le suivant indice était... Attends, je suis encadré et ah oui, je peux être imprimé. Et tu peux être imprimé. Attention, on part en mode suspense, plutôt tropical. C'est parti, dernier indice, Kylian. Alors, il s'agit de... par exemple, ouais, il me semblait quand aussi. On est quelque part, voilà, ça immortalise le lieu. Allez, c'est parti, suspense, vous avez encore 15 secondes pour deviner. Donc si vous avez trouvé, envoyez-nous un message maintenant, plus 32 49 9 15 75, et on va rechercher parmi les bonnes réponses qui ont été données par SMS. Kylian, est-ce que tu es prêt à lancer la recherche par ordinateur? Oui, attention. On clôture les votes maintenant. Go. Alors, je dis maintenant et lui dit go. Donc on refait. Je clôture les votes. Go. Maintenant. Toi, tu te tais. Les votes sont clôturés. Go. Maintenant. Je coupe le micro de Kylian pour pas qu'il me fasse la bourde. Bon, on va vraiment clôturer les votes. Et l'émission va clôturer les votes de l'objet du peuple. Maintenant. Mais vous êtes des tocards, hein. Oh merde. Oh, fais chier. Oh, oh merde. Oh. 3. J'en ai fait 3. Oh non. Mon 3. Dieu. Il a juré là, hein. Mon Dieu. Mon Dieu en plus. Il a dit plein d'insultes et il jure le Dieu. Bah bravo, 4. Hop. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que je peux l'avoir mon petit jingle? 1. 20€, purée, ça va me coûter de l'argent. Encore ça. Pour le plaisir, non? Non, c'est gentil, 20 balles, c'est gentil, je vais pas les lâcher comme ça tous T'as les jours. T'as pas dit comme coûter 20€ ça? Ah si, j'ai dit purée. Ouais, ah. Bah ça compte aussi. Non, on lui a laissé passer. Eh, t'es Crésus, hein? T'es Crésus. Et oui, c'est pas parce qu'on est présentateur de l'émission qu'on gagne forcément bien sa vie. C'est parti, on lance notre recherche parmi les bonnes réponses. Ouais. Ah oui, pardon. On va arriver au Québec. Attention, je pense que l'ordinateur a trouvé la bonne réponse. Kylian, peux-tu nous lire le nom qui est indiqué sur l'écran? Attention, je vais te donner le top. Notre gagnante de ce soir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une gagnante. C'est un gagnant? C'est un gagnant. Ah, je pense. J'ai pas pourquoi j'avais envie d'une femelle. Une femelle. En chasse. C'est toi qui m'inquiète là maintenant. C'est parti. Comme Ellie Simoun dirait. Ellie Simoun. Ah, Simoun alors. Simoun. Et Kevin. C'est Kevin. Kevin. Là, je sais plus comment il fait la voix. Non, c'est... Ouais, c'est Kevin. C'est Kevin, moi. Ah, non, oh, Kevin. Allez, on va vous le retrouver. Oui, attends, je vais essayer avec l'ordinateur qui est ici présent. Allez, c'était comment? Kevin, Ellie Simoun. On va trouver ça comme ça. C'est dans les petites annonces, c'est ça, Kylian? Les petites annonces. Oui. Voilà, je pense qu'on devrait trouver comme ceci assez rapidement. Voilà. Salut, c'est Kevin. Voilà, c'est ça. Comme ça. Non, c'est pas... Bah si. Mais attends, va un peu plus loin dans le... Non, attends. Il suffit de prendre... Kevin, hein, même qui fait... Salut, c'est Kevin. C'est pas le même Kevin. Ah. Sous 70. Ou même Salut, un peu Kevin. Salut, c'est Julien. Kevin. Ouf du Huc, 84. C'est un message qui s'adresse à la... Bon, c'est pas ça, alors, ok. Kevina, oui, intelligent. Attends. C'est quand ils doivent commander, je crois, justement, un fast-food, je pense. Ah oui, au McDo. Oui, c'est, bah, c'est le nom du sketch. Non. Ah oui, oh my god. Oui. Et les, normalement, il joue avec une casquette, mais là. Je voudrais. Ouais, ça doit être un menu Micmac. On sort dans le thème de la soirée. En ce samedi 21 août. Oui. Un samedi fraise à la banane. Il vous reste des bandanas, frère des ours. Et toi, tu veux quoi? Un menu nugget. Voilà, donc c'est le sketch. C'est le sketch de d'Elise et Moon que vous pouvez retrouver évidemment sur Ilore FM. Merci. Et la radio de vos humoristes préférés. Voilà. Bientôt en FM. Voilà. Effectivement. J'ai bien. Lui rajoute. Ah ben tiens, t'as nouveau ton micro. Toi, tu peux me parler normalement. Voilà. Ah bah parce que là, je te parlais pas normalement. Non, mais c'était le micro sans fil. Oh, bah oui, bah c'est charmant. Voilà. Tu peux, je pense, maintenant nous parler dans le bon micro. Alors le mec, je le passe mon casque, il le pose sur la table, il s'en fout royalement. Alors royalement. Attends. Ça va, tu m'en. Attends, là, tout bâtiment. Alors. À vibrer. On t'entend comme si tu parlais dans un vieux tuba. Dans un tuba. C'est vrai que le micro est mal branché, c'est bizarre. Non, on dirait pas. Il est bon, là, il est bon. Il est bon, parle un coup. Ouais. Voilà, tu, voilà, tu vois. C'est bon. Et il n'y a pas moyen. Max, c'est normal. Bah ouais, c'est normal, allez. Il n'y a pas moyen de modifier les voix, genre de mettre une voix grave. Non. Voix... Non. Je pense pas. Tu peux même le demander à notre technicien. Ah si. Bah. Avec ça. Je pense. Faudrait que je regarde exactement, mais normalement, il devrait y avoir moyen. Magique. Ah si, regarde. Voilà. Ah non, pas du tout ça. Ça me tente. 1, 2, non. 1, 2, non plus. Ouais. Bon, ouais. C'est pas peut-être beaucoup. Dans le... C'est pas... Tu dois pas tourner une roulette. Non, non, bah, c'est pas là-dedans, à mon avis. Tout déréglé. Ouais, je suis en train de tout dérégler, vous inquiétez c'est pas. C'est pas grave, il est... L'ingénieur du son est à côté de nous. Mais voilà. Ah non, c'est pas du tout ça. Il crie okay, bah ce sera qui ce sera bah il va nous le trouver. On regardera ça pour une prochaine fois. Voilà, c'est ça. Pour les canulars. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait la possibilité de faire ça là-dessus, mais c'est pas grave. Il faudrait que je regarde, mais au pire on viendra avec un processeur de fixe externe. Tu as ça toi sous la main? Pas là, ouais, ah, oui, voilà. Oui. T'as ça en stock? Dans la voiture, oui. Oh bah merde alors. Ah, c'est cool, ça. En fait, d'ailleurs, il a son matériel partout en fait. C'est ça. D'ailleurs, voilà. Messieurs, dames, je tiens à faire quelque chose que je fais assez rarement dans cette nous émission. Oui. Nous vous payez. On sait jamais ça. Également. Bah, ça dépend pour qui. Si, vous, c'est un règlement de compte ou quoi? Parce que là, j'allais être très gentil, mais je peux devenir très méchant. La fenêtre en gros ouverte, on est à deux. Thomas, je te préviens. Non. Messieurs, dames, c'est une grande victoire pour l'un d'entre nous. Quentin a eu son permis de conduire. Tout à fait. Il a déjà eu deux accidents. Putain, le mec il s'est pas applaudi. Il a déjà eu deux accidents. J'applaudis, il me laisse dans une solitude complète. Bien. C'est pas grave. Félicitations. Merci, on est content pour toi. Oui. Quand tu nous as montré ton permis sur Snap, on était là, on t'a fait un félicitations. J'ai vu. Non, sauf lui. Tu nous as. Oui, ça c'est vrai. Parce que d'ailleurs, on peut rajouter 5 euros parce qu'il m'a fait un fuck quand même sur la photo. Et t'as dit un. 5 euros. Je t'ai pas fait un. On parie. J'ai fait un screen. Hein. C'est vrai. Ouais. Regarde. Hop, voilà. Je m'en rappelle plus. J'ai des preuves en plus. Hein. Et donc, ça rajoute encore 5 euros de la part de Kylian. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est en dehors de l'émission. Et oh, ça. Vous m'avez compté 4 barres, je peux bien t'en compter okay. Une. Ok, ah, bah, alors bon. Dans la semaine, t'as dit plus d'une insulte. Hein. Ah oui, la photo. Allez, c'était 5 euros pour Kylian. Voilà. Donc, et tu nous as foutu un gros vent. Ah bon? Je te jure, tu nous as pas répondu. Et ben voilà, hop, vas-y. Effectivement. Et 5 euros pour Quentin. Il va se calmer. Et on était deux, enfin trois, mais. Donc, Quentin, il est où? Il est où? Il est là, Quentin. Donc c'était un, et donc maintenant pour c'est vous ramener, deux. Mais ok, ça va. Bah non. Donc voilà. Oh, mince! Ah bah ça fait déjà 2 heures que nous sommes ensemble, il est déjà 22 heures. Moi je suis pas contre, alors tu peux me barrer une barre et je te barre une barre. Allez, donc je pense qu'on a un petit peu débordé sur l'horaire là. Et on me dit que c'est trop long. Donc on va un petit peu essayer de rester dans les temps, car on va encore se faire insulter et on va se faire traiter de tous les noms parce que... De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Ah bah c'est gentil, on les recevra volontiers, merci madame. En tout cas... Je pense que on va pas vous planter là tout bêtement parce qu'on va quand même vous dire au revoir dans les règles de l'art. Hein. Bah de l'art. Bah ouais, parce que vous plantez là comme ça. Oui, c'est à moi, c'est moi qui les ai plantés. Plantés. C'est elle, c'est pas nous. Je vous le dis. Allez, Corentin, je te laisse dire au revoir bien gentiment à nos auditeurs. Oui. Oui. Il va dire au revoir bien gentiment. Mais écoutez, voilà, fin d'émission. je me réveille. C'est un plaisir de faire cette émission. C'est un plaisir de faire cette émission. Voilà, et, à, et bah, vous pas entendez toujours la semaine prochaine, du coup, mais à la semaine d'après. Semaine d'après. Tu voilà, n'es pas là la semaine prochaine. Non. Mais tu trouves ça normal. Et tu dis ça avec sérieux. Bah oui, oui, mais désolé de travailler. Oui, ah, mais tu nous souhaites quand même tout le bonheur du monde pour réussir. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ok, d'accord. Il y a même eu une petite alerte comme ça. C'est génial. C'est génial. J'en peux plus. Bon, l'objet du peuple, ça, c'est fait. Tout. En fait, on a tout fait, je pense. Non. Sauf le barbecue. Bah, on a pas eu de barbecue. Ils savent même pas c'était quoi la réponse. Oui. On l'a pas dit ? Non. On a dit la personne qui a gagné. On n'a pas dit l'objet. Bravo, tu as gagné. Vous foutez de moi. En fait, donc, depuis tout à l'heure, moi j'étais en train de partir sur l'autoroute de la faim et en fait là vous me faites demi-tour. Bah, c'est pas nous, c'est la voiture qui nous conduit qui n'arrête pas. Allez, c'est pas parti. Dis-moi la bonne réponse de l'objet du peuple. C'était une. Petite écho. Photo. I'm gonna run. Bravo à toi. Donc comment il s'appelle le gagnant? Comment il s'appelle? Mais c'était Kevin. Kevin, ah oui, Kevin. Ok, donc c'est bon. Allez, salut Corentin, merci d'avoir été là. On te remercie, encore félicitations pour ton permis de conduire. Merci, merci. Comme ça, si vous voyez des accidents dans les prochains jours, vous savez que ça vient de lui. Mais n'appelez pas les pompiers parce qu'il est déjà sur place. Oui, étant donné qu'il est pompier. Pompier, ingénieur du son, il fait un peu de tout. Ouais. Qu'est-ce que tu ne fais pas? On m'a tout fait. Je ne sais pas. Ah voilà, c'est ça le problème à mon avis. Je connais un autre qui fait tout, pardon. Ah oui, bah je vois qui c'est, donc tu vas te taire bien profondément. Parce que c'est un de mes patrons, bien. Alors, on va avoir une discussion en antenne. Et moi j'ai rien dit. Oh non, c'est à peine. Mais tu dis toujours c'est qui? Je ne dis personne, je ne cite personne. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie, merci Kylian d'avoir été là. Bah de rien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour évidemment. Le 19-20h et le 20h-22h. Voilà, c'est ça. Et si on veut écouter les meilleurs morceaux de ton 19h-20h, c'est où? Sur le site Hilar FM où on peut découvrir ma petite capsule, enfin ma petite. Une web radio, une radio digitale. Voilà. Avec tout. Avec marqué les hits du 19-20h. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, merci Kylian. Donc j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien marré. Et ne l'oubliez jamais, en tout cas. La vie est belle aussi. Et je pense qu'il est l'heure de lancer le générique de fin. Je vous rappelle, la semaine prochaine, ça se passe en FM. Donc pour être au courant de la fréquence et voir si votre ville est couverte par notre fréquence, par nos émetteurs, je vous invite à vous diriger vers les pages Facebook et Twitter, Instagram, Snap de notre belle émission radio. Bien, je vous souhaite une belle soirée. Merci de nous avoir écoutés. Et en tout cas, vous nous faites vibrer grâce à les magnifiques audiences que vous nous offrez chaque semaine. Merci à vous. C'est Jadoul qui ne vous lâchera jamais. Il est 22h05. Ok, c'était très bien. J'ai fait un petit ping-pong, Kylian. Un petit ping-pong, ça te tente? Ouais. Allez, c'est parti. Je mets mon casque et on est en route. Je mets la balle en jeu. C'est parti. Merde. Bon, voilà, je l'ai pas. Hop, allez, hop, ça y est, t'es perdu encore une barre. Non, non, mais là on est en dehors de l'émission, l'émission est terminée. Moi, pour le doigt d'honneur que j'ai fait un jour dans la semaine. Non, et oh, j'ai lancé le générique de fin, vous n'allez pas me refaire payer. Non, t'as lancé la balle de ping-pong, c'est pas la même chose. Eh oui. Donc vous êtes sérieux, là c'est encore 5 euros? Oui, ouais. Sauf si tu veux en jouer la partie. Non, allez, c'est bon. Ça nous fait quand même combien là? Parce que ça nous fait des sous quand même. Attends, on demandera la compta. Je compte. Moi, je dois à Hilar FM ce soir. Allez, c'est parti. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 euros que je dois à. Et ça, c'est pour les parents en dessous. Ah ouais, 30, 35, 40, 45. Ça fait mal. Et ça, c'est Corentin. Donc voilà, 45 euros que je dois à Hilar FM. Génial. Et Kylian doit à Hilar FM 10 là, ensuite 20. On a l'impression de faire un truc à la fin d'un resto. 25 euros à Hilar FM. Et Corentin doit, attention, hop, ça nous fait tout simplement Et non, c'est tout, hein, je pense. Donc ça, ça nous fait, hop là, 20 euros pour Corentin. Au total, dans la boîte Hilar FM, il y a 45 plus 45, bah ça nous fait 90 euros, 90 euros. Voilà, donc la cagnotte est là. Une barre, c'est 5 euros. Une barre, c'est 5 euros. Donc 25, parce que 5 fois 5, 25. Mais tais-toi, 20. Et non, tu payes, Corentin, tu payes. Donc il y a une barre 95 euros. 95 enfin, euros. Oui, 95, pardon. Ouais. Le oh, chiffre rond, 100 euros, allez. Donc en fait, là, on a tellement débordé que je dois refaire mon générique de fin. Tout à fait, oui. Donc en gros, c'est une grosse blague. Je vous remercie, bah bravo. Et après, on s'étonne que cette émission dure 6h30. Bien, c'est fini? Je pense. C'est je tout pense. Ou encore un ping-pong? Allez, non, c'est oh. fini. Et plus d'écho. C'est parti. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé quand même un bon samedi en notre compagnie. Corentin, Kylian et moi étaient trop, très, très, très contents de vous accueillir. Merci à vous. Je suis l'orthophoniste. À la semaine prochaine.